Bon, allez, en attendant, avant qu'on fasse un bisou au public, oh là là, on peut pas prendre tout le monde. On fait des bisous rapides. Claudine, 17 ans. Allez, vite, on fait vite parce qu'il y a Guillaume derrière. Claudine. Claudine, c'est rude. Hein. Oui, c'est Claudine. Moi. C'est rude, Claudine. Bah, à quel âge, Claudine? 17 ans. 17 ans, ah oui, c'est effectivement. Rude, c'est rude. Ça va, Claudine? C'est bien français? Oui, je suis française. Oui. Ah, comment tu vas, Claudine? Ça va et toi? Impeccable, tu habites où? Moi, j'habite à Louan. C'est à côté de. Oui, tu sais où t'as fait ton concert? Oui, mais je connais Louan. J'ai déjà passé par là-bas en étant jeune, en me promenant dans la ville à pied. Ouais, j'ai fait toute la ville. Kenji, je peux te demander un petit service? Bien sûr. Parce que en fait, j'ai ma sœur qui va avoir bientôt 14 ans et c'est une très très grande fan de toi et je voulais savoir s'il y avait moyen que tu lui fasses un petit bisou ou quelque chose. Elle est à côté de toi? Ouais, elle est dans la pièce à côté, mais en fait c'est une petite surprise, elle est au courant de rien, c'est juste ma mère qui l'a su. Ah, mais vas-y, passe. D'accord, donc tu vas voir la vidéo quand même, quoi. Ouais. Donc comment elle s'appelle, ta petite sœur? Elle s'appelle Clara. Ben, Clara, lui, ça tous un joyeux anniversaire à Clara et que du bon. Elle est là, on va la voir. Elle est là, si on peut lui parler, on va la voir. Attends, bouge pas. Elle est pas au courant, du coup. Attends. C'est une surprise. Clara? Tiens, il y a quelqu'un qui veut parler. Chose, en fait, là. Tiens, écoute. Oh, j'ai pas le temps. Non, j'adore. Non, je t'en vis, non. Non, t'as vu l'heure, non? Allô? Allô, Clara, comment tu vas? C'est Kenji. Petit temps. Si, j'aime pas. Attends, si, le temps de réaction. Laisse deux secondes, ça arrive au cerveau. C'est une blague? Non, non, c'est pas une blague, mais il y a Koé avec nous, il y a toute l'équipe. C'est pour son anniversaire? C'est pas ton anniversaire? Oui. C'est ton anniversaire? Bientôt. Bon, bah, dans 6 mois. En janvier. Bon, on te rappellera. Oh, je suis trop content. Ah bah si ça fait plaisir, c'est le principal. Tant mieux. On te fait un gros bisou, ma belle. Oh merci. Bisous. Bisous. Bisous. T'as remarqué comme à chaque fois les fans sont. Il y a un blocage. Bah non, mais surtout quand tu t'y attends pas. Il y a un blocage. Célia, petit bisou à Kenji. Juste un bisou. Merci. Mais elle est trop tard. Allez, Maureen, petit bisou à Kenji. Oh bah oui, mais bon. Maureen? Oui. Petit bisou à Kenji. Bonjour. Bonjour Maureen. Bisous Kenji, t'aime pas. Bisous à tous. Tac, Nolwenn, petit bisou à Kenji, on y va. Gros bisous Kenji, de la part de toutes les Kenjettes et les sonneries. Yes, je vous remercie, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous rappelle que quand tout à l'heure j'ai dit les Kenjettes dans le public, tout le monde m'a pris pour un con en disant la Kenji family. Kenjettes. C'est vrai? Bah, il y a plusieurs familles. Qui sait qui se sentirait mal de s'appeler Cagette? Non, j'ai dit les Cagettes. Les Cagettes. Oh. Mais si t'as dit les Cagettes, c'est pas la même aussi. Anne, petit bisou à Kenji, on y va. Oui, Kenji, bisous, je te fais des gros bisous. Moi aussi, j'ai une question pour toi. Oui, yes, vas-y, allons-y. Est-ce qu'il y aura un nouvel album bientôt? Bientôt, mais pas tout de suite. Laisse-le finir sa tournée. Ouais, ouais, il a quelques centaines de concerts à faire d'abord. Là, il en a 800 entre là et Noël. Ouais. Donc, il en a beaucoup. Je te fais un gros bisou. Ok, bisous. Bisous, ciao. T'embrasse, ma belle. Bon, alors, Kenji, donc on est d'accord. On va se faire un bisou. On va se souhaiter plein de chance pour les concerts. Yes. Ce week-end, je vais à Saint-André. Je suis du côté de Bordeaux. Donc, je règle les trucs à la maison et tout. Je règle ce qu'il faut régler. Je récupère le courrier. Je suis le nouvel assistant de Kenji. Vous savez j'ai deux citronniers derrière à tailler. Oh, l'occupe, je les taille. C'est bon. Bon, alors, vu c'est que son nouvel assistant. Alors, je suis son nouvel assistant parce que l'ancien, il est mort. Il y a trop de concerts. Donc, c'est moi qui l'ai épuisé. J'ai pas donné à manger. J'étais plus là-bas. Alors, le truc, c'est que je vais prendre des notes. Ça te dérange pas? Non. Alors, le matin, je vais régler ton réveil à 7h. Ça te va, 7h? Ça me va, ça me va. Ok, tu préfères quoi comme sonnerie? Celle-là? La sonnerie d'iPhone. C'est la mienne. Ou celle-là? Ou celle-là? Tu te lèves dès le matin. Je préférais celle-là, tiens. Ah ouais? Je te mettrais la reine des neiges tous les matins. Tu te lèves, tu es mélancolique, tu penses à tout. Tandis que l'autre, t'as envie de tout casser aussitôt. Ok, je te mets toute la reine des neiges. Allez. Pour aller faire du shopping, tu préfères que je prenne quoi comme voiture? La... Ou... Ah! T'as vu les yeux qui brillent là? Réponds pas, j'ai compris. J'ai compris. C'est une super mobilette en fait. Ah, elle est super énervée. Ouais. Bon, alors, ok, tu préfères qu'on aille chez qui pour trouver des fringues? Alors. Babou. On va être content. Kiabi, la mode à petit prix. J'adore. Quel magasin? Dior. Un peu plus cher que les autres. Babou, on va chez Babou. Okay, on n'est pas plus il y a longtemps. Ok. On va chez Babou. Ok. Et enfin, pour les soirs. Ah oui. Alors, et enfin, comme émission promo. Après, parce que tu vas refaire des émissions promo. Yes. Tu préfères laquelle? C'est quoi ça? 50 minutes inside. Ouais. Bah, dis pas c'est quoi ça au bout d'une seconde, on le cherche un peu. Tu devrais t'endormir, Julie, à la caméra, c'est encore mieux. C'est quoi? C'est quoi? Eh, c'est une super bonne image de l'émission. Mais je suis vachement bien, je suis à l'aise. Il est 22h. Quoi ça? Bah justement, on est tranquille, on est chez nous. Il y a des arrêts d'image de Julie en train de pioncer, il y a une image. Mais je pionce pas du tout, je suis tranquille, je suis à l'aise. On est dans notre studio, ça va. C'est quoi ça? C'est la truc de fin de soirée, tu sais. La vache, la déception du c'est quoi ça? Donc, 50 minutes inside. Et te laisse pas tranquille. T'as vu jamais? Ou alors. Silence, ça pousse. J'adore cette émission. C'est quoi ça? C'est pas mec sur les plantes. Mec qui arrose des plantes et tout, c'est passionnant. T'es chiant, ouais. Ou comme émission la dernière. T'as pas le choix. Réfléchis bien. Dis silence, ça pousse. Réfléchis bien. Mais comme j'ai rien à payer si j'ai dit l'autre émission. Non, c'est pas vrai. Ben, je sais pas, on va essayer d'être créatif. Je dirais énergie dans 50 minutes inside. Oh la merde, tu nous l'as vexé là. Oula. Non, je préfère énergie. Ah, on peut en prendre un deux secondes. Tu nous l'as sauvé. On n'a pas l'arrêt sur image de Julie, la caméra était pas sur elle. Attends, peut-être. Ah, attends. C'est bien ça dommage. Arriver, mais ça va arriver, les gars, arrêtez. Non, c'était super, c'était super. On dirait que t'es bourré. C'était super. J'ai pas vu. Ah, mec, il y a eu une phase. Il y a une phase. Arrêtez, je suis comme ça. S'il y a des gens qui arrivent à choper cette image, des yeux plein pétillants en train de faire. Je suis quoi, ça? Mais c'est tranquille, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on était. C'est une grosse journée, les gars. J'ai l'impression qu'on était samedi soir, il était 4h du mat, il y a un mec qui a fini les bouteilles. Je suis quoi, ça? Non, je suis pas comme ça à 4h du mat. C'était vrai, c'est vrai. Kenji, on te fait un bisou, on te souhaite beaucoup de courage pour tous les concerts qui arrivent. J'ai dit toutes les dates, mais il y en a encore plein d'autres. Bonne chance pour tout. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous ceux qui nous écoutent? Merci à tous en tout cas. Et en tout cas, merci à vous l'équipe. Ça faisait longtemps que j'avais c'est pas fait un petit promo, donc ça fait plaisir. Et de revenir un petit peu chez Energy. Et ça nous a fait plaisir que tu sois là. On fait un bisou à tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Bisous tout le monde. C'était Kenji. Bisous. On vous laisse avec Guillaume. Qui sont venus, qui vont aller se coucher maintenant. Ciao mon pote. J'ai gagné Robin ou pas avec le public? Robin est attendu. Ciao, très vite. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez à l'antenne sur Énergie, bonne soirée les gars. Guillaume Radio 2.0, 22h03, comme chaque soir, 22h minuit. On est là pour les deux dernières heures de la journée. Si vous voulez venir délire avec nous, vous êtes à la maison ici. Guillaume Radio 2.0, on se fera passer pour des casteurs de télé-réalité tout à l'heure. Et on a mis des petites annonces partout, on appellera les mecs qui nous ont répondu pour rigoler, on fera faire n'importe quoi. Dédicace à mon ami Amandine de Somain et à toute l'équipe. Bonsoir Gaëtan Dodruy, bonsoir à toi Gaëtan. 612 dédicace à ma famille Sandro, mon amour, ma soeur de cœur, à mes animaux domestiques. Bonsoir Lilou du 49. Et ben c'est parti, hein, si vous voulez balancer une petite dédicace, c'est parti, vous êtes à la maison à partir de 22h. Première radio de France, ça monte. Dès que vous êtes là avec nous, c'est plaisir. Shakira, il est où? Il est là. Shawn Mendes, c'est celui-là. Dans la sac Noël. Les trompettes blanches. On sera à Alonso. Hier, on avait le. Comment ça s'appelle le. Merde, l'agence secret qui était énorme là. On avait Jean-Marc Gadoulet. Il nous a appris plein de trucs et tout, l'agence secret, c'était énorme. Toute l'équipe qui est en train de s'installer. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée en tout cas, les gars. Si vous voulez venir avec nous, vraiment, c'est la maison ici. Hein. Vous mettez les chaussons, vous rentrez dans la pièce avec nous. On fait de la radio au 6ème étage de ce bâtiment, dans le plus petit des studios d'énergie. Donc vous pouvez venir délire avec nous, Guillaume, et votre message au 6, 11, 12. Je viens stagiaire sur mon chip pour provoquer une cam ici. Non, arrêtez, les gars. Vous êtes là, salut Alan du 60. Ça va, je viens stagiaire? Ouais, ça va bien avec des messages comme ça. T'as passé moyen. Une journée, ouais. Ouais, ça va, salut tout le monde. Ça va, j'aime du standard. Ouais, salut Guillaume, salut à tous. Ouais. T'as ressorti une suite à capuche. Ouais, c'est ça, ça y est. Bah, il fait froid dehors. Suite à capuche de couleur. Ouais, ah. Ça va bien, Julia? Salut Guillaume, salut tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette croix inversée, genre ton bulle? Oh, je sais pas, c'est mes origines un peu. Fait en 90. Made in the 90. C'est l'origine, la croix inversée comme ça? C'est quelle origine? Non, je sais pas, non, mais la croix quoi. Jésus, tranquille. Ah non, mais oui, mais là c'est la croix inversée. Ouais, c'est une croix gothique que t'as. Ah ouais, je sais pas, j'ai même pas vu. La meuf, elle sait pas ce que ça veut dire. Il y a plein des choses, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai une casquette avec une croix bizarre. Ça fait longtemps que je vous ai pas écouté, ça fait longtemps plaisir. Bonsoir, Aurore, salut ma chérie. Salut. J'ai un stagiaire sur ce bon, je t'arrête les gars, c'est bon. Non, ça va pas là. Ça va pas recommencer. Non, on en a eu assez hier. Ouais. Je vous présente mon équipe. Si vous la découvrez, voilà, je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0. Vous pouvez venir nous retrouver si vous découvrez l'émission, comme Florian qui est en pleine tramontane. Il fait du surf, on dirait. Il est, voilà, qui, j'entends souffler. Ça va, mon Flo ? Salut. Salut. Bon, on est là chaque soir, 22h minuit. Je m'appelle Guillaume. Il y a Julien le stagiaire. Ouais, je suis là, soyez sympa. Du standard. Ouais, bonsoir à tous. Julia. Salut. Il y a Flo des cadeaux aussi dans le couloir. Salut tout le monde. Ça va bien ? Ouais, ça va tranquille. C'est bon, on a récupéré tes clés hier en cachette. Ouais, on allait chez toi, etc. Et je les ai récupérés aussi. Ouais. On vous mettra la vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous êtes 1,5 million les frères. Voilà. Guillaume Play, PLEY. Hein. Si vous avez Instagram aussi, on arrive à 600 000. Guillaume Play, PLEY. Viens boire un petit coup avec nous, Pierre de Vichy. Bonsoir, Pierre de Vichy. Salut mec. Céline du 21, je vous adore. Gros bisous. Et bah, salut les gars. Si vous voulez faire une petite dédicace pendant que vous êtes au boulot ou en voiture, allez-y. Hein. Guillaume et votre message là au 6-11-12. Flo qui appelle Duplessis Robinson, c'est ça hein? Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, tout à fait. Qu'est-ce qui t'arrive alors, Flo? Tout à fait. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, je me dis que j'aurais dû donner un autre nom et dire une autre origine parce que c'est une soirée dont je suis pas très très fier. Ouais, ouais, c'est un truc, mais ça doit vous arriver aussi, mais vous l'avouerez jamais, vous. Ah, c'est alors là, non, t'inquiète pas. Là, c'est mal fait. Tous les soirs. C'est mal que la mission parce que c'est vraiment à chaque fois. Alors attends, juste un truc, mais à chaque fois que j'ai dit un truc, c'était vrai. À chaque fois que j'avais un truc un petit peu caché, je l'ai quand même dit parce que je me dis, bon, c'est quand même. On avoue tout. J'ai trouvé un truc, tu l'as jamais fait, toi. De quoi? Toi, t'es un mec bien, t'es un mec rangé, t'as jamais fait des concours de paix de flamme, toi. Ah. De paix enflammée, ouais. J'ai jamais fait. Moi non plus. En vrai, j'ai toujours eu envie d'essayer. Ça marche pas. Ça me chauffe de ouf. Alors, JM du standard, c'est 10 tenants de Paris. Ah ouais. Et je le ferai pas parce que je sais pas si c'est une légende urbaine, se mettre un briquet devant l'anus, c'est pété. Mais j'ai ouï dire que ça pouvait. Tu pouvais mourir en fait avec une implosion à l'intérieur des fesses. Ah ouais. Une flamme comme ça. Alors, je suis pas mort, mais disons que le gagnant est aussi le perdant là. C'est comme ça. Vas-y, raconte alors. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Ben en fait, on était à une soirée avec des potes, pas mal de bière, tout ça et trucs. Et bière, ça fait roter, ça fait péter aussi, je sais pas, tu vois. Donc ouais. était un peu fracas, alcoolisé, machin, ça. Et on s'est dit, bah vas-y, allez, concours. Comme toi, délire, on voulait toujours essayer tout. Et à un moment donné, c'était à mon tour, j'essaye. Et puis j'ai un pote qui me tenait le briquet, heureusement qu'il tenait sa bière dans l'autre main. Parce qu'il y a un truc bien chargé qui est arrivé, et puis j'ai mon jean qui a souffert, quoi. C'est-à-dire qui a souffert de la flamme, ça a marché, ça a très bien marché. Par contre, mon Lévis, il est mort et j'ai fait me cramer le cul, quoi. Donc, non, mais il paraît que c'est dangereux. Hein. Non, il paraît que c'est dangereux. Il y a des vidéos. Oui, mais c'est du vrai gaz, en fait. Ouais. C'est du méthane hein, qui sort de l'anus. Mais c'est puissant, alors, parce que. Je veux dire, à cours de chimiste. non, mais exactement comme les vaches, en fait. Hein. Ça dépend du pain, après. En fait. Un gros pain, un gaz. Ouais, il paraît que les vaches, d'ailleurs, provoquent la couche d'ozone. Ouais. La couche d'ozone. Il paraît, ouais. Les proutes de vaches, c'est Iron Man, c'était une tapette à côté. Non, mais en fait, il arrive. En fait, le cul, il transforme le gaz, l'oxygène et tout ça en méthane. Ah ouais. C'est glamour. Avec la transformation. Et donc en fait ça brûle, mais comme du gasoil. Ah bah oui. Non. C'est comme tu pourrais limite un jour péter dans une voiture à la faire mais ce qui est vrai hein, du méthane c'est hyper inflammable. Et ben du coup en fait on a un gaz. Donc en fait quand on a un peu dans le slip et tout, et ben en fait le gaz il va continuer de brûler. D'où le bruit alors? Non. On s'en fout du bruit. Bah ouais, le bruit vient d'où? Si tu mets un briquet à l'intérieur, il va continuer de brûler dans ton slip. Et du coup c'est là que tu peux te brûler. Voilà. En fait ce qu'il faut faire, mais moi j'ai jamais osé, c'est genre écarter ses fesses nues et se faire rager, mais j'ai peur que ça rentre. Les poils brûlent. Je te jure, j'y ai toujours pensé, là je le ferai jamais. Ça. Après ce qui m'est arrivé, je le fais pas. Ça. Non mais il faut faire très attention. Non mais on est d'accord. Et pourquoi vous avez fait ça? Vous avez fait ça en soirée? En étant, attends, il était minuit et demi, une heure, on était fracas, enfin, on a voulu essayer, quoi, il était 3-4 potes, voilà. Et je te dis vraiment, la flamme, j'ai eu chaud. Les mecs, ils étaient tous morts de rire. T'en as un qui me balance sa bière pour éteindre. Et je regarde le jean, il était noir, quoi. Il y avait un trou noir derrière. Je joue plus, je te dis, faut pas jouer à ça, faites pas ça. Ouais, t'as pas de chance. Ça. Ouais. Non mais ça tu fais bien de le dire fort, mais j'ai déjà vu des vidéos sur les mecs qui sont brûlés, ouais. Et tout. Ouais. Voilà, je suis au Burger King Strasbourg en chien, salut à toi là. Bon appétit. Dans la voiture direction Montpellier pour rentrer mon chéri qui revient dans 5 semaines à l'armée. Merci de me régaler, des bisbis, salut Léa. Salut. Coucou à toute l'équipe en direct du taf, gros bisous à ma femme que j'aime de tout mon cœur. J'espère redemander en mariage très vite. Salut Mélissa du 01. Salut Mélissa. Guillaume au fait. Ouais. Toi qui aimes bien les buzz des vidéos comme ça, t'as une vidéo sur YouTube, je sais pas si c'est du fake ou du vrai. T'as un mec qui fait exploser une vache en mettant un briquet derrière son cul comme ça, ou en lui faisant exploser un pétard, je sais plus ce que c'est. Mais tu vois la vache qui explose pour de vrai. Ouais. Alors voilà, toi qui aimes les buzz, voilà. J'aime pas du tout ça. Nous on aime les vaches. Mais alors le mec il me prend en otage. J'ai rien demandé. Alors toi qui aimes les vidéos pédophiles. non mais dis pas n'importe quoi Florian. J'aime bien, mais parfois on parle de vidéos internet, j'ai jamais parlé d'une vidéo où il y a une vache qui meurt, moi ça fait pas du tout rire ça. Justement, mais juste si elle meurt, c'est affreux. Mais par contre, ce serait étonnant qu'elle reste sur YouTube. C'est que je sais pas si c'est super bien fait ou si c'est vrai. Je sais pas. Non mais après il y a des gros fils de pute sur Terre, donc c'est possible qu'il y ait des mecs qui aient tourné. Tu vois, il y a bien des mecs qui ont mis des chats, je sais pas quoi. Ah non, alors moi j'ai horreur de ça. Alors regarde. Autant j'aime bien des trucs, ça me fait marrer quand il y a des vidéos comme ça où tu peux trouver vraiment, tu vois, je sais pas, mais qui ronfle très fort. Tu te moques gentil. Un chien qui baise une peluche, ça me fait rigoler. Tu sens que le chien est complètement con. Tiens, ça me fait après de là non plus quoi. Est-ce que t'as remarqué que Julien Stagiaire a le teint de peau brillant? C'est parce que tout à l'heure il m'a sauté dessus, il voulait se prendre une faciale cette coiffure. Ah bah alors là, le rendez-vous que j'en raterai pas, c'est bien 22h, c'est que du bonheur de vous écouter. Bonsoir à Tamandine, dédicace à Adeline et Amandine, mes meilleurs amis, et à Gaëtan, bonsoir à toi. Salut. Bonsoir à Mathieu du 6-2, vous êtes au top. Salut à Calais, bonsoir à Calais. Salut les Calaisiens, on dirait du taf, gros bisous à ma femme. Et ben on embrasse tout le monde, les poteaux. Vous allez faire une dédicace, vous êtes à la maison ici. Big up. Et Florian, qui est là. Est-ce que vous avez déjà fait des jeux comme Florian, des jeux à la con qu'on mal tourné? Est-ce que ça vous est arrivé d'organiser avec des potes? Moi j'ai fait un concours de celui qui mangerait le plus de chips en même temps. Oula. Avec des Pringles, j'ai failli crever. Je vous jure que c'est vrai. Au bord de l'eau. J'avais raconté il y a déjà plein de fois. J'étais en soirée complètement bourré et on voulait se mettre 10, 15. Après, on faisait un concours. Et j'en ai une qui s'est coincée dans mon palais et qui m'a complètement ouvert l'intérieur de la gorge. Ah. Et je croyais que j'étais en train de mourir, quoi. Ça me coupait comme une lame de rasoir. Et c'est cassé et c'est mise. En fait, c'est quand tu casses une Pringles. C'est comme du verre, ouais. Et ben, parfois, il y a un bout qui part. Et en fait, là, il y a la moitié qui est partie au fond qui s'est bloquée dans ma glotte. C'est pointu. Et j'avais l'impression d'avoir une arête de 5 cm dans la bouche. Ouais, puis avec le sel, ça brûle et tout. Ça doit être affreux. Exactement. Ça, exactement. Bah, ça brûle et ça coupe. En fait, ça glisse tout doucement. Ouais. Et là, tu la sens, mais descendre d'un millimètre. Et tu te dis, putain, mais merde alors. Faut voir. Tu te dis, non, Julien Stagiaire aussi, tu la sens descendre d'un millimètre. C'est pas drôle. Est-ce que Julien Stagiaire, tu la sens sortir de toi? Non, je vois pas de quoi tu veux parler. Non. Salut au Picard qui vous écoute. Salut Hugo. Bonsoir à l'équipe, je vous aime fort. Salut Emma. J'embrasse Emma. Vous éclatez, je vous adore. Alors, tout à l'heure, on fera du coup le jeu avec le casting. Alors, un casting de télé-réalité. Puis Florian qui est là, les jeux cons qu'on va le tourner. Guillaume et votre texto au 6-11-12. Si vous voulez venir en deux secondes à l'antenne avec nous, venir réagir ou quoi, Guillaume et votre texto au 612. Julien Stagiaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, plein de fois. Un jeu con. Ouais, c'était l'après-midi chez un pote. En fait, on se mettait des coups de pute en fait. Et il y a le petit frère qui on m'a. On se mettait des coups de pute. Ouais, on se faisait des petits coups de pute. Julien Stagiaire, quand il prend un coup de pute, c'est un vrai coup. Non, mais non. On s'embrouillait. On se mettait des coups de pute. C'était la surenchère. Et lui qui vient et qui met des coups de pute. Non, mais des coups de pute entre potes quoi. Et des coups de pute entre potes. Et le petit frère de mon. Pas des coups de pute entre putes. Ne pas comprendre. D'accord. Et alors vas-y, voilà. Julien Stagiaire. Et le petit frère de mon pote, il m'a claqué un yaourt sur la gueule. Du coup, j'étais un peu vénère. Et j'aime pas ça. Du coup, je l'ai pris. Il avait 12 ans, j'avais 20 ans, j'avais plus de force que lui. Ouais. J'ai fait un truc pas bien, je l'ai pris et je lui ai mis la tête dans les toilettes, dans la cuvette des chiottes. Oh ouais. C'est parti en couille parce que son frère, mon pote, du coup, il l'a mal pris. Ouais. Et ses parents, ils ont appelé mes parents le soir. C'est parti en vénère parce que j'ai mis le petit dans. Mais t'étais bourré, ouais. Un petit peu, mais il m'a cassé les couilles. Il m'a claqué un yaourt. Il avait quel âge? Il avait 12 ans. Ah ouais. Mais il était un petit peu vénère, tu vois, le petit frère vénère. Et mais tu l'as attrapé? Je l'ai pris en poirier. Ah ouais, je l'ai porté. Ah ouais, mais il était tout fin. Du coup, je l'ai porté, je l'ai mis. Il est dangereux, je sais dire. Je voulais manger, claqué un yaourt où? Dans la nuque. C'est marrant le nombre de trucs qui se fait claquer dans le dos. Ah ouais. Je l'ai pas vu venir et du coup je me suis vengé et la vengeance était les toilettes pour lui. Il se fait tout le temps claquer quoi. Voilà. Bon voilà, en tout cas, pareil, je vous ai mis Guillaume et votre message là aussi sans doute si vous voulez venir. Tu pourrais faire une dédicace à ma sœur, elle s'appelle Marie, elle a fait 71 km à cause de moi cette nuit alors qu'elle se lève à 4h du matin demain. Bah, bon courage à vous. Bon courage, ouais. Bisous. Venez nous raconter, est-ce que ça vous est arrivé de faire un jeu à la contre pote, d'escalader une mairie, j'en sais rien. De rentrer quelque part. À l'église de nuit. Oula. Sur des échafaudages, je sais, essayer d'escalader un truc. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller de nuit dans une cave ou dans un hôpital abandonné? Un jeu qui a mal tourné. Et il y a un de vos potes qui s'est complètement blessé dans le noir, il s'est pris un morceau de fer dans l'œil. Bah ça arrive. Ça peut arriver ça. Ouais, bah ouais. Est-ce que vous avez commencé à jouer avec un truc dans le jardin d'un pote, un pistolet à plomb, il y a un pote qui s'est pris un plomb dans la gueule? Est-ce que vous avez fait un jeu de con qui a mal tourné? Réfléchissez bien et venez apporter votre couille à l'édifice là en deux secondes. Vraiment, vous m'envoyez un petit texto. Guillaume et votre message là aussi sans dose. Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé? Réfléchissez bien. Un jeu con qui tourne mal. On peut faire mal, on peut se faire mal. Bêtement. On peut humilier quelqu'un même qui fait que voilà. J'ai joué à lancer des cartouches de fusil de chasse et une cartouche a pété. Truc de ouf. Le concours de celui qui mange le plus de piment rouge. Très très bête. Ah, 6-2. Ouais. À quoi vous avez joué comme jeu, vous auriez pu vous blesser, qui ont mal fini. Vous pouvez m'appeler aussi, c'est gratuit hein, sur le standard. 0800 70 42 48. 0800 70 42 48. Shakira, on se la fait maintenant, la bicicletta. Il y aura Souf, Shawn Mendes après, Stone of Legend aussi. On se fait les plus gros hits et vous êtes à la maison. Hein. Guillaume et votre message aussi, 112 sur Énergie. Merci les mecs en tout cas. Faire les soirs avec nous. Ok. Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Puedo ser desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que encanta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies descalzos como un niño que óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Después no querrás irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a fin que algún día le muestras en Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras en Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Guillaume Radio okay. 2.0. Ouais, je pourrais dire une grosse bite, mais non, normal. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, sur Énergie. À la lanterne. J'en ai trois à raconter, mais c'est extrême. Genre pétard dans le cul, tailler des places de parking, sauter d'une voiture en marche, essayer de manger trois petits beurres en 10 minutes, tous des trucs débiles. Salut Max. Salut. Mais c'est quoi cette histoire de petits beurres là? C'est pourri les défis. Ouais, des biscuits. C'est plein de fois que je le vois là. Il y a un mec qui. Ouais, c'est connu. Manger. Ouais, c'est le truc vraiment. Ouais, de base. Ouais. T'es vraiment le mec quand t'as pas d'idée. dans les émissions de télé, ils font ça quoi. Ouais, on va manger une minute, 30 minutes. Ouais, sérieux. On va faire un happening de fou, un jeu de fou. J'ai sauté à saut de mouton avec un pote, mais quand j'ai sauté par-dessus lui, il s'est blessé et baissé du coup. Résultat, ouais. Arcade ouverte. Salut Mathieu du 05. Ça va pas trop mal, pas trop de mal. Le stagiaire vient me voir. C'est toi qui vas finir la gueule au chiottes et en plus tu sodomises le routier barbu. Salut mec, bonne route. voilà, c'est vrai. J'ai un stagiaire raconte qu'il a pris un mec de 12 ans pour le mettre la tête dans les chiottes. Le petit frère d'un pote en plus. C'est courageux. Moi j'ai fait un chalumeau avec un déo. Avec un pote en voyage en Angleterre en 3ème, on brûlait des mouchoirs par terre dans la chambre et le mouchoir enflammé est parti sous le lit. On a brûlé le matelas de la famille qui nous hébergeait. Résultat, et j'ai pas la suite de ton message, mon poteau là. Guillaume, et votre message là aussi, 112. On se raconte un peu les vraies histoires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jeu à la con qui a mal tourné? Il y en a un qui dit: moi j'ai fait une exploration urbaine de l'urbex, c'est un nouveau truc à la mode, aller un peu explorer les trucs. Ça s'est mal passé, on avait trouvé un squad de SDF complètement saoul et en fait c'était une secte. Ah merde! Alors attends, tu vas nous raconter, laisse ton numéro si tu veux bien là. Est-ce que vous avez déjà fait des jeux à la con qui ont mal tourné? JM du standard. Ouais, Nous, en fait, c'était un jeu de cartes à la base basique. Celui qui a perdu, il a dû avoir un gage. La base basique. Il a fait 20 tours d'un arbre. Et en fait, on était chez un pote qui avait une piscine. Et en revenant vers nous, il est tombé dans la piscine avec son téléphone dans la poche. Et son téléphone, il est mort, quoi. Ah ouais. Et au final, il a. C'est le fameux jeu du balai où tu tombes sur le balai. Et tu le fais pas à côté d'une piscine. Ouais, on était. Alors, cherche la merde. Là. On a rigolé, on a pourri de rire. Ah, quand il est tombé dans l'eau, là. Ouais. Et là, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Ouais, c'est ça. On se le fera Bintal. Et il y aura Soprano jeudi. Dans une semaine. Dans une semaine pile, Soprano avec nous. Moi, je suis monté sur une cloche d'église et gros coup de flip, on n'a pas pu descendre. Ah, t'es malade. Salut à toi. Ouais. Là. J'ai fait péter une bombonne de gaz d'extérieur dans un abri de jardin, c'est ultra dangereux, ça rebondissait partout. Putain, demain j'ai un contrôle de maths, mais je t'écoute en révisant. Bonsoir, Domiti. Bon, mignon le prénom Domiti. Ouais. T'as pas fait le jeu de la blague de JM du standard. Putain, c'est vrai ça. Faut le marquer, JM du standard. Là. C'est écrit, Guillaume. Faut le marquer. En plus gros. Elle est où la feuille? Elle est à côté de toi. Elle est où la feuille? Elle est dans ta pochette. Elle est où là, par rapport à moi, la feuille? Elle est où? Ah ben, elle est à côté de toi. Non, ça c'est pas mon côté. Mon côté il est là. Ah, ben, ok, je te la mettrai devant toi, Guillaume, alors. Derrière toi. Ah ouais, mais je veux pas la mettre avant. C'est jamais. S'il y a quelqu'un qui passe dans le studio, attends, imagine, il nous la vole. On dirait un gars une fille. De quoi on dirait un gars une fille? C'est toi la fille. Ouais, c'est un gars, non, un gars. Il est fou celui-là. Non, mais en fait, en gros, non, mais attends, parce que JM du standard, faut l'éduquer un peu là. J'ai l'impression qu'il oublie un petit peu la base d'éducation. Ah non, je suis. Non, mais il faut que je lui apprenne ce que c'est que derrière et sur les côtés. Il m'avait pas la feuille sur les côtés, mais la feuille derrière moi, je la vois pas. Bon. Et ben voilà. Et la blague de JM du standard, de toute façon, elle était ripousse, donc on l'a pas fait. Ouais, c'est gratuit, c'est cadeau. Ouais. Moi, mon pote s'est pris un barbelé dans l'œil, donc opération et lunettes maintenant, Cédric d'Alsace. En jouant, moi j'ai fait une bataille de pommes avec des potes, sauf qu'il s'en est pris une dans la gueule, il s'est fait ouvrir l'œil et tout. Ah, on va en parler là. Mon pote a cassé le lavabo en faisant des glissades, il s'est niqué le crâne. On parle des jeux à la con, les gars, qui nous ont blessés là. Guillaume, et votre message au 612, je vous appelle maintenant là, juste après ça sur Énergie. Tous les matins sur Énergie. Mais participez, les mecs. 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Allô Stéphanie? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu, c'est Énergie. Oui. 1 500 €, c'est ton salaire. Je vais le doubler, ça va faire 3 000 € pour toi. Oh là là là là, je vous écoute tous les matins. Là, je suis trop heureuse. Oh, je suis trop contente. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 €, ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 € en bons d'achat et 50 € en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Envoie dispo au 63602 et rencontre des centaines de personnes par SMS pour qui le réel vaut mieux que le virtuel. Dispo des ISPO au 63602. C'est simple, authentique. Pour enfin trouver l'amour, envoie dispo au 63602. Dispo au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. Gagnez des consoles PS4 pour la sortie du film Captain America Civil War en Blu-ray avec Énergie. Les gens ont peur, Captain. Écoutez Koé de 19h à 22h sur Énergie et gagnez des consoles PS4. Je suis désolé, Tony. Quand je vois qu'une situation dégénère, il faut que j'intervienne. Captain America Civil War, disponible en Blu-ray avec Énergie. It's music only. Moi, pour le jeu vidéo, c'est la nouveauté avant tout, comme la nouvelle PS4 ou FIFA 17. À moi, pour le jeu vidéo, c'est le prix qui compte. Moi, c'est la nouveauté et c'est Leclerc. Ah non, c'est le prix le plus important. Et moi, je vais chez Leclerc. Leclerc ? Découvrez la nouvelle PlayStation 4 1 Tera et FIFA 17 pour 349 euros seulement chez Leclerc. Voir modalité de l'offre dans les magasins participants, prix maximum conseillé. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will ils arrivent à le faire pendant 2 heures, sans s'arrêter. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Attends, je suis en train de prendre une feuille. Alors, on va faire un truc là sur Énergie. 22h28, hein, Guillaume Radio 2.0. Vous êtes hyper nombreux à nous appeler, ça me fait trop plaisir les mecs. On va tous vous prendre à l'antenne, avec plaisir. Dans 2 minutes, on va retrouver Sébastien, 18 ans. Tu m'entends, Seb? Madeline aussi. Oui, ça marche. Salut. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Hey, Seb qui est tombé dans une île, dans une grotte, pardon. Ah merde. Madeline qui s'est pété le nez, elle va nous raconter. Amandine qui a eu gros problème aussi. Voilà, les jeux à la con. Au ski. Vincent dans une église, tu vas nous en parler dans 2 minutes du 44 aussi. Guillaume et votre message au 612. On va appeler un mec qui s'appelle Omar. Ouais. J'ai mis une petite annonce sur internet et je me suis fait passer pour un mec qui cherche des gens pour une télé-réalité. Une agence de casting. On a eu beaucoup de réponses, hein, juste pour vous expliquer. Beaucoup plus de réponses que d'habitude. J'ai tourné l'annonce aussi en disant qu'il y avait un nouveau jeu sur une très grosse chaîne de télé. Ah bah là, ça marche, c'est sûr. On avait besoin de très jolies filles et très jolis garçons. Du coup, tous les mecs se disent il y a peut-être des bonnes meufs dedans. Ouais, ouais. Et ils m'envoient leur candidature. On a reçu beaucoup de candidatures. JM du Standard, t'as fait le total là. Ouais, c'est bon, il y en a plein. Tu en as préparé. On va commencer par Omar. S'il répond pas, on appelle un autre. Ok. Hein. Attends, est-ce que j'ai les numéros? Moi, ouais, je voudrais la musique. Attends, j'attrape la musique des anges à éter à été. Voilà, je vais me faire. Elle est là. Salut, c'est Brian. Bien, je suis avec McPherson qui est là. Hello, moi, c'est McPherson. Je prépare les chemises pour le casting. Et exactement. Alors, je vais me faire passer donc pour Brian. Je recherche soi-disant quelqu'un. Ouais. Et le mec, je vais essayer de lui faire n'importe quoi. On va voir. Et vous pouvez toujours m'appeler pendant ce temps 0800 70 42 48. 0800 70 42 48 sur le fixe pour nous passer un petit coup de fil. Est-ce que vous avez déjà fait un jeu à la con qui s'est mal fini? Avec des potes, on va prendre toutes vos réactions comme Fanny. Tu bouges pas, Fanny, c'est à toi juste après, d'accord? D'accord. Ok, allez, Fanny, 19 ans. D'abord, on appelle Omar. Il a 23 ans, Omar. Alors, c'est magnifique, il a un petit pull avec une petite barbe. On dirait Kenji un peu. Ouais, un peu, il y a un air. Ouais. Il a un petit air avec Kenji. Ouais. Il est chef de rang dans un bar à Cannes. Dans le sud. Voilà. Ouais. On va pas dire où parce que le pauvre, bon, je sais pas comment ça va se finir. Et il était au lycée hôtelier Paul Augier à Nice. Voilà. Très bien. Eh ben, allez, on y va, c'est parti. Quand tu veux, JM du Standard pour le numéro. Ouais, ça va sonner là. On appelle Omar. Il y a du foot ce soir. Ouais, hein. Italie, Espagne, un partout pour l'instant. Voilà, pour ceux qui sont, on est en direct, 22h30. Allô. Allô. Omar. Oui. Oui, allô. Comment tu vas? C'est Brian ici de la télé-réalité, je te dérange pas? Non. C'est bien toi qui as envoyé un petit mail pour répondre à l'annonce? Un petit mail. Ouais, tu m'as envoyé un petit mail avec un petit CV, une petite photo avec le pouce vers le haut, avec la petite tête de Kenji là. Ouais, c'est possible, ouais. Tu déranges pas, BG? Non, non, t'inquiète. Je te présente McPherson qui est mon assistant, c'est assistant dans des bols. Il est exactement d'origine amsterdamoise. Yeah, hi le Omar, moi c'est Jefferson, enchanté. Enchanté. Voilà, on est là ce soir parce qu'on est en train de préparer un petit peu le casting de notre nouvelle télé-réalité. Je voulais savoir si t'étais toujours disponible. Oui, toujours. T'as quel âge toi, mon Omar? J'ai 24 ans, je vais sur mes 25 ans au mois de décembre. Alors par contre, Omar, ça va embêter de t'appeler comme ça pendant l'émission de télé. Est-ce qu'on pourrait changer ton prénom? Alors mon prénom, c'est-à-dire... Est-ce qu'on pourrait te donner, par exemple, McPherson, il a pensé à un truc tout à l'heure pour toi, ça serait de t'appeler Wengerit. Ça passe mieux, c'est ça plus fait... anglo-saxon. Voilà, Wengerit, ça tirait ou pas? Wengerit. Ouais, Wengerit. Comme une marguerite, mais Weng. Weng, comme Wintanglin. Wengerit. Si tu veux. Weng, Weng, Weng. Ça te dirait pas ou pas? Vas-y. Ting Tong Weng. Bon bah très bien, allez c'est vendu. Wengerit, une note s'affiche. Ok, j'ai fait le contrat Wengerit. Alors est-ce que tu veux que je te lise un petit peu les propositions? Parce qu'on bosse nous dans notre boîte là sur plusieurs émissions en parallèle. Ouais. Déjà tout à l'heure tu vas nous jouer un petit truc là avec McPherson. Tu vas essayer de jouer une petite simulation pour voir si tu es bon acteur. Parce que tu sais, il faut beaucoup jouer dans la télé-réalité. Ouais. Je vais te poser un petit problème aussi pour essayer de voir ton intelligence, hein, si tu veux bien. Et j'ai un questionnaire de non-connaissance aussi, il faudra que tu me répondes vraiment mal à toutes les réponses, d'accord? Alors attends, parce que... Écoute, essaye de me poser des questions, je vais voir, et tu me diras là. Alors attends, très bien. Déjà, on va faire ton intro, hein. Le moment où tu arrives dans la maison des sans-culottes là, on va refaire un... Attends, je vais tenter pour voir, on va faire comme ça, on va faire... Il s'appelle Wengerit. Une de ses dents ressemble à Pascal Obispo. Quand il était petit, il voulait devenir siphon d'évier. Il peut mâcher sa langue. Il sait dire l'alphabet que avec ses fesses. Il sait déjà le bruit fake du guacamole. Ça tirait ou pas? Je t'appelle Weng, parce que Wengerit c'est un peu relou au final. C'est vrai que c'est un peu relou. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu... Ouais. Bon, en tout cas, toi t'es prêt à tout pour faire de la télé ou pas? Moi je suis prêt à tout, franchement. C'est... Pour être honnête, en fait... J'ai toujours voulu faire. Tu me tutoies, toi. Wingerit, là. Wing. Fais coin-coin pour voir. Comment? J'ai fait coin-coin pour voir si ça te va, Wingerit. Comme ça, on ferait Wingerit, coin-coin. Quand tu rentres dans la maison des sans-culottes. Vas-y, fais pour voir, coin-coin. Coin-coin. Voilà, tu vois, ça va très bien. C'est bon. Ah ouais. Alors, attends, je vais te proposer deux télé-réalités si tu veux. Et tu me dis si ça te va ou pas, d'accord? Je t'écoute. Wing-wing, fais coin-coin. À chaque fois que je dis Wingerit, tu me dis coin-coin, d'accord? Ok. D'accord, allez, attention, Wingerit. Coin-coin. Je te pose des questions et tu réponds toujours une mauvaise réponse, d'accord? Attention, c'est parti. Quel est l'inverse de chaud? Froid. Mais non! Je te dis, tu réponds pas la bonne réponse, voilà. Ah, pardon. Wingerit. Coin-coin. Quelle est la femme dans le couple David Beckham? Samantha. À qui appartient la barbe qu'on mange dans les fêtes foraines? David. Qu'est-il interdit de fumer en France? La cigarette. Quel type de musique joue Bob Marley? Gatton. Quel oiseau répète tout ce qu'on lui dit? J'arrive pas à trouver. Faut aller plus vite, hein. Tu sors une autre réponse, t'es vraiment gogol ou quoi, toi, Omar? Wingerit. Coin-coin. Allez, c'est bon pour toi, 0 sur 20, c'est parti. On continue maintenant. Alors, je vais te proposer, j'ai deux télé-réalités en cours. McPherson, tu m'arrêtes si je me trompe. Ok, avec plaisir. Et juste après, tu vas jouer une scène avec moi. Ah, tu me connais. Parce que t'es un bon. J'ai mis le costume de comédien. Allez, c'était pas dans le jeu. On y va. C'est parti. J'ai un truc à te proposer. Vous serez 10 garçons. Vous devez aller rallier Amsterdam à Paris en une soirée. Avant de prendre la route, on vous bandera les yeux et la production mettra 1 kg de cocaïne dans votre sac. Seule une personne sur les 10 n'aura rien dans son sac. Est-ce vous? Vous le saurez en participant à l'émission La Douane m'a fisté. Ça, ce sera un programme qui va sortir sur Énergie 12 en janvier. Ça, c'est pour concurrencer. Est-ce qu'il y a une émission qui marche pas? C'est Je me marie. Sorry, je me marie là. Tu sais, là. Sorry, je me marie là. Attends, sinon, j'ai un autre truc aussi. J'ai un mois à côté de Donald Trump habillé en burkini. Vous accompagnez et le candidat durant tous ses déplacements, vous allez à la rencontre de tous ses électeurs. Ça s'appellera Donald m'a tué et ça sort en février. J'ai un truc, ça sera diffusé sur la BBC. Et sinon, alors ça c'est pas mal. J'ai un truc, c'est pendant 3 mois et demi, complètement coupé du monde, on vous envoie cul nu à Mykonos. Le but, finir l'aventure sans perdre son dépucelage anal. Le jeu s'appelle Mon cul à Mykonos, ça c'est pas mal aussi. Et on a sélectionné 10 rescapés de Fukushima si vous voulez venir au Mar. Pendant 3 semaines, vous coucherez avec chacun d'entre eux. Si au bout de 2 ans, on retrouve moins de 3 grammes d'uranium dans votre cul, vous êtes le gagnant. C'est tout le monde veut prendre sa radiation. C'est énorme. Ça va être un buzz absolu. Allez, c'est parti. Je te disais, est-ce que ça t'intéresse ou pas déjà? Non, je peux te proposer une publicité si t'es. McPherson. Je préfère l'offre numéro 3. Okay. Wingerit. Coin-coin. Tu préfères quelle offre? Je préfère l'offre numéro 3. Celui que tu suis enculé par ceux qui ont dit rescapé. Non, c'est celle que tu m'as juste dit avant. Ah oui, avec Donald Trump habillé en burkini. Ouais, il me semble. Ouais, attends, sinon j'en ai une autre si tu préfères. C'est laquelle déjà? En fait, on t'envoie 2 ans sans argent, sans vêtements dans le souk de Marrakech. Vous devrez y rester et tenter de survivre sans argent. Ça sera un nouveau souk pour une nouvelle vie. Si ça vous dit. Ouais, c'est un peu dur. Si ça te dit, on peut t'envoyer là-bas aussi. Hein. Alors, McPherson. Yeah. Alors, ah, attends. Attends, mais. Comment il s'appelle? Wingerit. Quoi? Allez, très bien. On y va, on continue maintenant. Et problème à la con, attention, si je dîne avec Jérôme Cahuzac et d'autres hommes politiques, au bout de combien de temps mon nez s'allongera comme Pinocchio? Un an. Si je mets un chabit à Barack Obama et que je fais un doigt qui pue à son garde du corps, pensez-vous que je pourrais rentrer chez moi et récupérer mes affaires avant d'aller à Guantanamo? Non. Si je prends 5 pilules de Viagra et que je rentre dans un magasin Pinky, combien de minutes me faudra-t-il avant de sauter sur une cliente? 20 minutes. Si j'ai une tête de con, le cuir d'une moule et que je sens la merde avec mon sort préféré, c'est faire chier le monde. Combien j'ai de chance d'intégrer une télé-réalité? 0. Si je me retourne sur un escalator qui recule à 20 km/h et que je marche à 18 km/h, dans combien de temps puis-je espérer me prendre une patate par mon voisin de derrière que je vais faire chier pendant remontant l'escalator? 30 secondes. Si je paye un agent 4000 euros par mois depuis 4 ans et qu'il me prend 60% sur les 3 pubs qu'il a réussi à me trouver, combien de litres de vaseline dois-je acheter pour ne pas trop me faire douiller? Une fontaine. Exactement, voilà. Mais on sent que t'es un bon gars, Omar. Alors pour finir, hein, voilà, je vais te proposer une publicité, tu me dis si tu veux ou pas, et ensuite tu joues avec McPherson pour terminer. Hein. Ok? Je t'écoute. Alors, si tu veux, je peux te faire faire. Tu serais l'égérie de la holding Tapi Kerviel Consulting. On proposerait des placements d'argent à des riches gens vieux et naïfs. Hein, tu serais payé en sourire de monsieur le juge et en cellule VIP à Fleur et Mérogis, si tu veux. Et j'ai un autre truc, si tu veux, vraiment, si ça t'intéresse, on fait une pub pour les yaourts Danone. On va te mettre devant un énorme tuyau d'arrosage rempli de yaourt. On peut te faire faire genre pour une pub Pour les tout nouveaux martinets d'une marque très connue dans le SM, t'auras juste à te fouetter le cul hein, devant un spot de télé. T'es pas payé, mais on t'offre un kilo d'amour propre, t'en auras besoin après la diffusion. Non. On a un plan pour les pansements de Zaplast. Hein. Juste avant le tournage, il faudra juste te charcuter la main avec un couteau. T'auras un cachet de 50 euros, on t'offre les nouveaux tendons pour la main. Non plus. Ouais. Ouais, Gurit. Alors, écoute, c'est pas grave, si tu veux pas, il y a pas de problème. Écoute, je vais vous allez jouer avec McPherson. Ah, okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un slogan pour l'émission qu'on va enregistrer. Alors, dès que je dis l'émission va s'appeler Sauver les glaces, faut que tu dises c'est moi qui suce, c'est moi qui suce. D'accord, Omar. Ok. Attention. L'émission s'appelle Sauver les glaces. Moi je suce. Voilà, attention, on y va, c'est parti. Tu joues avec McPherson maintenant. Ok. Le principe est très simple. Christophe, on va t'appeler Christophe. T'as laissé une trace noire sur le bord des toilettes, McPherson. Et là, Omar, tu rentres dans les chiottes et tu découvres la merde de McPherson sur les toilettes. Et là, tu t'énerves sur lui, d'accord? Ouais. Ok, tu fais une simulation d'embrouille pour voir comment tu seras dans la maison des teubés. C'est parti, 3, 2, 1, action! Ah, je sors des toilettes. J'avais un peu bobo au ventre. Désolé, hein, parce que j'ai laissé comme trace. Ah, mais t'es sérieux, là? Tu te fous de ma gueule? J'ai pas fait exprès, je t'ai dit, je suis malade, j'ai la gastroentérite. J'en ai rien à foutre. C'est une mode de vie, ça. Mais oui, mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas eu le temps de faire aux toilettes, j'ai fait partout caca. Elle va te promener. Ah, si j'avais su, j'aurais chié dans le salon, alors tu le prends pas très mal, hein. Moi, bon, en fait, pour être honnête, je suis très très très fort de caractère, mais si tu veux que je sois plus fort que ça, je peux. Hein. Ah bah oui, oui, non, mais attends, bien sûr, il faut que tu... Là, on dirait une mauviette. Attends, là, on dirait une petite... Une raclure de bidet. Non, non, il faut vraiment que tu l'arrives et que tu l'insultes, hein, faut que tu t'énerves. Tu quoi, peux toi, me hein. frapper pour le buzz, c'est mieux, pour la chaîne. Bon, tu veux que je te présente celui qui sera notre parrain ou pas? Allez, c'est parti. Attends, alors je vais l'appeler. Alors, attendez, monsieur, vous voulez bien dire bonjour à Omar, prenez le téléphone. Bonjour, c'est Johnny Hallyday. Bonjour. Voilà, donc monsieur Hallyday est avec nous là dans la pièce. On va t'écouter représenter la scène, d'accord? Donc on recommence la scène à zéro. Ouais, Omar, si vous voulez dire monsieur, si vous voulez dire bonjour à McPherson aussi. Hein. Bonjour, c'est Johnny Hallyday. Voilà, attention, bon, soir, 3, Johnny. 2, 1, allez, vas-y, on y va, Omar, je veux que tu le défonces. Action! Vas-y, commence, je te laisse commencer, vas-y. Oh, pardon, je n'ai fait caca partout. Mais je suis désolé, j'ai mangé les faillots, comme vous dites en France, et les haricots verts. Et grosse claquette que tu es, d'où tu te prends pour qui? Mais j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Accepte mes excuses. Je suis navré de ne pas à la production. J'en ai rien à foutre des excuses. Que je m'en bats les couilles, tes excuses. Je te fais une gâterie si tu veux, mais ne le dis pas à la production, je vais dériver du jeu. Mais je t'en excuse, j'en ai rien à foutre. Je veux la cagnotte, je veux l'argent pour moi, s'il te plaît. Plus dur, Omar, vas-y, mets un peu d'énergie là. Ah, arrête un peu, okay, j'en ai rien à foutre ton argent. Ton argent, tu te le mets dans ton cul. Mais c'est voilà. Toi que je vais mettre dans mon cul alors. Tu réagis pas, vraiment, tu es pas bon. Désolé, moi je prends pas au casting. Ah ouais, faut que tu l'énerves, ça marche pas. Faut que tu l'insultes, Allez, vas-y, va te promener. Hein. Mais promener, c'est pas une insulte. Casse un truc chez toi, ouais. Broke a verre. Bon, écoute, malheureusement, je pourrais pas te prendre pour la télé-réalité, tu donnes pas assez d'énergie, Omar. Malheureusement. Par contre, je te propose autre chose, si tu veux, je te propose un passage en direct sur Énergie. Là, ça... Qu'est-ce que 12 heures peuvent changer dans votre journée? Absolument tout. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Bonjour, c'est Johnny Hallyday. Tu m'entends, Omar? Allô? Ouais, c'était une vanne, mon gars, c'est Guillaume sur Énergie, là. Souris, Omar, au paradis, j'aurais ça va, Omar? Et toi? Ouais, c'est Guillaume Play sur Énergie. T'avais pas reconnu l'émission, Omar? Hein, non, salut, je l'avais pas reconnu. Eh bah, non. Tu connais ou pas déjà? Si, j'en ai déjà entendu parler. Bah, après, bon, c'est vrai que. Et t'avais pas reconnu quand t'as piégé? On fait un jeu comme ça tous les jeudis? Ouais, mais bon, comment. Comment tu veux que je reconnaisse? En fait, j'ai reconnu, mais j'avais un doute. Mais je me suis dit, vas-y, va jusqu'au bout. Ouais, jamais. Je sais que McPherson qui énerve. Ah, chanté Omar, franchement, tu n'as pas été bon acteur, je suis désolé. Ah oui, alors en plus. Tu t'es pas énervé. J'avais fait caca à côté du bidet. Là. J'ai le chien. Ah, bon, Omar, en tout cas, félicitations, frère. On va t'envoyer un petit cadeau pour te faire plaisir quand même, d'accord? Et t'as envie de faire une télé-réalité pour de vrai, alors, parce que t'as répondu à notre annonce. Hein, on a vraiment une mini-annonce. On a mis une annonce de télé-réalité. On n'a pas mis trop de trucs, on a mis aucune info, ne peut être dévoilée. Mais si ça vous intéresse, une nouvelle télé-réalité qui arrive très bientôt, envoyez-moi vos coordonnées. Et puis on a eu beaucoup de réponses. Oui. Hein, ouais, on a eu Omar surtout. Beaucoup de jolies meufs aussi, hein, c'est dingue. Hein. Oh là là. On va les garder pour nous, ça. Il y a une fille, on dirait Noémie Lenoir. Oh là là. J'aime ça, du coup, à plein de meufs. J'ai plein de numéros. J'ai jamais dispo et tout. En tout cas, félicitations, man. On va garder ton numéro, je te passe Julia pour un cadeau, d'accord? C'est gentil. À bientôt, Omar. Allez, allez, on se cale sur Énergie tout à l'heure jusqu'à minuit. On est en direct. Hein. 22h minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Soyez les bienvenus, les gars. Et son prend l'aura jeudi, en plus, jeudi prochain, du coup. Ouais. Ce sera là le 13. Et du foot ce soir. J'ai un stagiaire qui suit le match. Ouais, Italie-Espagne, c'est fini un partout, voilà. Si vous suivez le foot en direct, on vous tient au courant des scores et tout sans problème. On se cale les plus gros hits aussi découverts ici à la maison. Souf, mea culpa qui a été demandé. On se fait Stone of Legend qui arrive. Il s'appelle Blue, le morceau. On fait un défi de mafia par jour. Vous nous proposez un défi sur Twitter avec hashtag Guillaume défi la mafia. Et on le fait. Il y en a un qui m'a proposé d'appeler une armurerie en se faisant passer pour des mafieux. Alors le problème c'est qu'il est 22h44 que les armureries sont fermées. Ouais. JM Jean, il en a appelé plein. Ouais. Il y en a qui a des renvois d'appels. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut appeler. En fait, il y a le mec, il met c'est dans des villages ou quoi, il met sur son portable au cas où il a un appel à l'armurerie. Ah, ouais. Ça, donc on peut essayer. Je ne garantis pas que ça va marcher, mais on peut l'essayer. C'est une reprise, ça, Blue Dabuddy là. Ouais. FL 05. Ouais. Putain, c'est énorme. Sound of Legend, on s'écoute maintenant sur Énergie. De 22h à minuit. Ouais, ouais, je me souviens, t'es une salope là. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie, bonne soirée, les mecs. Papier sans les sacs à jamais menti, je n'ai plus vrai que les faits divers du France antique. Ma voix est pure, c'est vrai, rien n'a été coupé. Parce qu'elle raquine jeune, ça pourrait. Mes négros se sont coupés. Si c'est hola, comment ça? C'est konnichiwa. Bon, hey, j'espère que ça s'est bien passé, les poteaux, la journée là. On se retrouve hein, comme chaque soir, on avait dit, hein, 22h minuit. Prévenez les autres si vous découvrez l'émission ou quoi, comme ça on est de plus en plus nombreux. On se retrouve à l'ancienne, hein, c'est-à-dire sans aucun budget, sans aucune pub la journée, vous avez remarqué. Aucune pub à la télé, aucune nulle part, hein, mais. On se retrouve à l'antenne, à l'ancienne, voilà. Si vous voulez venir, vraiment, c'est votre radio, les gars. Vraiment, C'est même pas la nôtre. Nous, on est derrière, on s'amuse, mais c'est vraiment vous qui la faites, l'émission. Vous pouvez nous suivre déjà, follow, hein, sur, on est 471, 11591, exactement. Sur Twitter, on est 579 000 sur Instagram. Voilà, vous tapez Guillaume Play, P-L-E-Y. On est 2 millions, sur Facebook. Voilà, sur la page, il y a 1 953 762. Si vous voulez venir en 2 minutes, les mecs, avec plaisir. Et puis sur YouTube, on a 1,5 million et tout. Ouais. Vous êtes de plus en plus nombreux, les gars, ça fait trop plaisir. On parle des jeux qu'on a fait à la con. Juste après, on va faire le jeu de la mafia. Alors, on va se faire passer pour une famille de mafieux. Ah. Et on va appeler une armurerie pour essayer de demander des armes. Normal, quoi. Il y a un mec qui a fait des renvois d'appels sur son portable. On va l'appeler dans 2 minutes. Et on a au standard, vous êtes hyper nombreux. Il y a Fanny qui est là de Carca. Tu m'entends, Fanny de Carca? Oui, c'est là. Ça va toujours? Salut. Salut, Fanny. Fanny. Clara, 14 ans. Jordan, 15 ans de Vierton. Tu m'entends? Oui. Allô? Ça va, la petite? Tu m'entends, Clara? Oui, je suis là, j'ai dit oui. Non, parce que je t'appelle parce que c'est Mandarine à l'appareil. Mandarine, tu sais, je suis avec ma cousine. Ah oui. Avec cousine. Ah oui. Je suis la plus belle de tes copines, Clara. Je suis désolée d'être plus bonne que toi. C'est vrai, ma cousine, elle est beaucoup plus bonne que toi, Clara. Je suis la plus bonne de toutes les trans. Oui. Un beau transgenre. J'ai mis un très très beau ballon d'eau dans mes nichons. Oui, on croirait des vrais. J'ai mis un peu plus longtemps le robinet dans la bombe à eau et du coup, je suis passé du 90B au 110F. J'ai envie de te téter. Bois la gourde. Oh oui, c'est bon, glou-glou. On fait bien les femmes, tu pas que on est de bonnes femmes. Ça passe, ouais. Je le trouve assez crédible, finalement. C'est pas faux. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que ça ait pu marcher aussi bien. Aussi longtemps, hein, c'est vrai. C'est ouf. Bon, hey, c'était quoi le son que tu viens de passer, grosse dédicace à AE, AC Express. Et à tous les chauffeurs, livreurs médicaux, bonsoir à toi. À Momo du 12, bonsoir Momo du 12. Salut mec. Bonsoir Schrapp du 4-5. Je me suis fait harponner le fion lors d'une plongée sous-marine signée Julien Stagiaire. Ah non, jamais j'ai fait d'harponger. Vous pouvez y aller, hein. Guillaume et votre texto aussi. 612, on parle des conneries qu'on a faites. Est-ce que vous avez déjà fait un jeu entre pote un peu con qui a mal fini? Qu'est-ce que t'as fait, toi, Clara? Bah moi, en fait, c'était genre il y a peut-être un an. Ouais. Et en fait, on était chez une pote, jusqu'à plus normal. En fait, c'était son anniversaire. Ouais. Et donc du coup, en fait, on faisait la teuf et tout. Et par un moment, en fait, si tu veux, dans sa maison, il y a un espèce de couloir et au fond, il y a un lavabo avec un miroir au-dessus. Enfin bref. Ouais. Et on avait mis plein d'eau, on avait mis du liquide vaisselle, je sais ce qu'on avait mis, je crois, de la lessive, des trucs comme ça. Enfin vraiment, ça. Ouais, des trucs qui font glisser, quoi. Ouais, voilà, plein de trucs comme ça. Et puis. Et on s'amusait, en fait, on faisait des glissades et tout, on prenait les coussins, on faisait n'importe quoi, enfin, c'était le gros bordel. En plus, sa mère, elle rentrait bientôt, enfin bref. Ouais. Et j'ai un pote, en fait, vu qu'en fait, on devait nettoyer. Ouais. Et j'ai un pote, au moment de nettoyer, il a couru et il s'est ramassé, en fait, il a glissé sur un truc de balai et en fait, il s'est tapé la tête sur le lavabo. Et le lavabo, il y avait un bout en fait qui est tombé et puis le truc il s'est déboîté et il avait le crâne en vrai, faut jamais faire tomber un pote, hein. Ah bah ouais. Non mais les trucs avec l'huile par terre, les bananes, les trucs comme ça, en vrai dans les films ça marche, mais en vrai tu te casses le genou, tu te casses le coude, ouais, c'est pas cascadeur. Tu sais, ça marche jamais, quoi. Ouais. Une fois j'ai stagiaire, il s'est fait sodomiser. Ah non, non, jamais. Non, là, moi je rentre chez lui. Oui, t'avais les clés. Faire une surprise. Et là il était sur un mec. Ah ouais. Et il me dit, putain Guillaume, tu tombes bien, je viens de glisser. Et là tu m'as sauvé. Je dis, mais attends, les menottes et tout, c'est quoi? Il me dit, je suis prisonnier d'une glissade, Guillaume. Non, c'est chaud, hein, et vraiment, un truc de fou. Et je dis, mais pourquoi t'as des moumoutes rouges? Et menottes, pourquoi t'as des chaussons, de femme? Je dis, mais pourquoi t'as des talons? Ça va. Mais en glissant, je suis tombé dans les chaussures de ma femme. Oui, en glissant. Et je dis, mais attends, excuse-moi, je viens de stagiaire, mon frère. Tu vas un peu loin là quand même, non? Tu m'étais en train de bander quand même. C'est l'excitation de l'adrénaline de la chute. Comment tu peux penser ça? Tu vas loin. Déjà, il fait genre, il tombe. Ouais, c'est un bon dos. Il tombe souvent. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose dans la bouche. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi dans la bouche? Tu es en train de sucer une banane. Ah. Je suce pas, je mange. J'ai dit, mais ça fait une heure qu'il y est. D'accord. Elle est longue l'histoire là, putain. Je peux rajouter pendant 2 heures. Oui, c'est pour ça, mais il y a la pub là. Non, il n'y a pas la pub. On enlève la pub. Je peux annuler la pub pour toi. Ah, c'est flatteur. Si c'est pour moi être ton trou de mal, je pense. Je sais pas comment ça

Oui. Bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir si vous auriez des armes qui ne font pas de bruit. Allô? Monsieur? J'aurais voulu savoir si vous avez une arme qui ne fait pas de bruit, s'il vous plaît. Je suis avec mon fils, Tonio. Ouais. Tonio. Ouais, papa, que passa? Je cherche les filles. Il répond pas. Il est où, les filles? Il est là. Ah, il est là. Eh, l'armurerie. Réponds. Mata bene. Là, ton adresse. Vous vendez des gilets pare-balles? Parce que ma famille, on va aller rendre visite à notre oncle qui est détenu. C'est possible d'avoir une arme sur laquelle on ne peut pas récupérer les empreintes digitales? Ça, c'est pour mon fils. Fania. C'est papa, je suis là. Fania. C'est... Mais un peu d'énergie. T'entends pas. Il est fatigué. On parle comme ça chez moi. Est-ce que tu m'entends, Murerie? Moi, je t'entends, papa. Bon, bah, les couilles, je peux là. J'ai un locataire qui me paye plus depuis 2 mois. C'est quoi le meilleur calibre pour convaincre quelqu'un? Ouais, le meilleur calibre, c'est celui qui va dans le cul à ta mère. Si tu veux que je l'aie, tu amènes ta mère, je le mets dans le cul. Ça tombe bien. Il est gratuit. Je cherche le plus gros des calibres pour elle. Donne-le-moi. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je voudrais sauver la terre. Parfois. Je voudrais la voir brûler. Attends, vas-y, hey, on en refait un autre. C'est parti, on le rappelle une dernière fois. Il est chaud, lui. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Triste. Maintenant, tête de mort. Je prends un coup de pelle. Je m'entraîne avec mes canons. Je tire avec les pistoles. Tonio! Ouais! Il a dit qu'il voulait la mettre dans le cul à notre maman. Il a osé parler de la maman. Il a raccroché. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois. Je voudrais sauver la terre. Parfois. Je voudrais la voir brûler. Attends, on appelle le mec qui nous a proposé le défi là. Putain, mais en même temps, j'ai fait trop tard là. Ouais. On a réussi à se faire insulter vite fait quand même. Hein. Énorme le jeu de la télé-réalité tout à l'heure. Merci beaucoup les mecs, c'est tous les jeudis. Hein. Tous les jeudis, on fait le jeu de la télé-réalité. Du lundi au vendredi, on est là en tout cas. Demain soir, on fera le clash de la semaine en Mad Mafia aussi. Eh oui. Y'a des stories de fous, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. On appelle le. Allô? Ouais, allô? Ouais, c'est Louis. Bonsoir Louis, ça va ou quoi? C'est Guillaume d'Énergie. C'était juste pour te dire que j'ai pris ton défi sur Twitter et on a récupéré ton numéro. Ouais, salut mec. Donc je t'appelle pour te dire qu'on te file la PS4 plus le jeu Mafia 3 qui sort aujourd'hui, d'accord? Bravo. Oh, merci. Ok mon loulou. Ok mon petit loulou. Ah, je suis choqué là. Bah ouais, bah en fait pour vous expliquer, quand on demande en fait, quand vous faites un hashtag Guillaume défie la mafia, on vous écrit un message en privé à tous hein, quasiment en disant donne-moi ton numéro, si jamais on prend ton défi on t'appelle. Voilà comment on a les numéros. C'est ça. Et du coup là boum, on fait le défi, on a le numéro qui est prêt à appeler, bim, ça tombe sur vous, puis ça vous appelle en direct. Hein. T'es d'où Louis toi d'ailleurs? Moi je suis de Versailles. De Versailles, bah représente alors. C'est la 7-8. Yveline, ouais. Vas-y, hein. Tu l'as la PS4 ou pas encore? Non, je l'ai pas. Eh ben voilà, maintenant tu l'as. Voilà, ouais. Et à toi. Ben, à partir de maintenant, tu peux dire je l'ai. Même si il va chez toi, il voit que t'es un mytho. Tu ne l'as pas directement physiquement. Tu dis je vais la voir, elle est à moi, mais elle n'est pas arrivée. Avec Mafia 3, ouais. Avec Mafia 3 en plus. Ouais, il défonce en plus Mafia 3. Mmh. Je te l'envoie demain matin, frérot, d'accord? Nickel. Ok, de rien. Tu veux faire une dédicace? Ouais, je vais faire une dédicace à Baptiste Colin. Ouais. À Colin Gaudron. Gabriel Roy. Gabriel Risk. Alexis Leclerc. Et les autres poteaux, et une dédicace à toute l'équipe parce que je vous kiffe. Merci beaucoup, merci. Trop gentil. Bisous. Merci beaucoup, c'est plaisir. Et, enfin, tu nous connais pas. Tu nous connais pas en vrai, quoi. T'imagines. C'est en vrai. De quoi? Ça fait un an et demi. Ah oui, mais là, mais c'est pour rien. Ce que je disais, non, bah, tu nous connais pas en vrai, peut-être que tu vois. On sent fort. Ouais. Non, mais tu vois, déjà, peut-être qu'il y en a qui font des blagues pas drôles. De quoi? D'ailleurs au passage pour JM, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Hein. Ah non mais il est pas sur une bonne pente là. Il le sait. Hein, ouais mais sait. Je vais remonter, c'est ça. Il va remonter, il va. Ouais, remonter. Ouais, il va remonter. Hein. Il s'est mis en rouge aujourd'hui pour se faire shooter déjà. Ah, bah, non. Il veut exciter là. Ouais c'est ça. Il cherche. Non, c'est bien, t'as raison, j'aime le standard. Bah, oui. Vous êtes mis tous d'accord pour mettre des pulls rouges aujourd'hui? Il y avait tout le monde qui avait du rouge. Ça va, Guigui à la régie là-bas? Ouais, ça va, très bien, très bien. Guigui de la régie, c'est celui qui est derrière un ordinateur l'après-midi et qui nous trouve tous les sons qui nous permettent de faire cette putain d'émission. C'est ça. Cette putain, faut, je sais pas dans quel sens faut prendre. Un peu dans tous les sens. Hein. Voilà, et donc c'est lui qui nous a trouvé de nouveau. C'est lui qui nous trouve Kalash, ce nouveau par exemple. Ma vie est sans les sacs à terre. C'est lui qui va nous trouver ces musiques qui nous permettent de faire des petites conneries à la radio. Voilà, genre c'est tous ces trucs là quoi. Et en tout cas, frérot, Louis, tu veux faire une. Tu fais du sport un peu, Louis? Ça s'occupe comment? Oui, natation. Ah, c'est vrai, ah, c'est putain, bon, c'est bon ça. À la piscine. Ah, ouais. Genre, t'es bien foutu et tout, genre t'as des épaules larges et tout ça. Ouais, ça, tu commences à être un peu taillé par la. Comme un Lodou. Ah, putain, c'est bon ça. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ouais. Moi, mes gosses, je les fais genre préfère direct le jour où j'en ai. Ah ouais, ouais. Tu veux faire quoi, papa, du foot? La natation. Ah, mais voilà, pas de problème. C'est pas ça du foot, si c'est bah, loin ton père, pire. C'est moi qui t'ai dit. Bah, oui, pire, ouais. Tu veux faire du foot, mais tu vas le faire dans la piscine. Tu vas faire 200 allers-retours. Je peux faire du vélo de la piscine. Un champion. Tu mets pour aller à la piscine si tu veux. Je veux bien que tu fasses des efforts. Non, mais c'est important hein, de faire du sport. Hein. Tu vois, Julien Seigneur, tu regrettes de ne pas en avoir fait quand on te voit? Bah pourquoi, je suis normal. Comment je dois le prendre? C'est un SMS qui t'arrive. Ah oui, arrivé. Je ne trouve pas le SMS. Non mais j'en fais encore un peu, mais en moins en qu'avant. En plus, t'as des gros bras, toi, je te dis. Bah oui, surtout le droit. Ouais, parce que j'ai fait un sport où. Non, mais c'est vrai. Le tennis. Le tennis, c'est. C'est l'avant-bras. Je sais, il n'a pas de bras, il n'a pas de biceps, mais il a des gros avant-bras. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est vrai, bah c'est vrai. Le mec, il est chelou. T'as les avant-bras aussi gros que tes biceps. Mais j'ai de la force, hein. En fait, le mec, c'est un face, mais il a des bras. Ah, il a des pattes, face. Le mec, il a des pattes. Non, mais je suis normal. Il est l'araignée, le cas. Tu vas me faire complexer. Non, mais non, je suis bien, attends, je suis normal. Ouais, t'es normal. Je suis dans la barre, dans la moyenne. Attends, c'est bien sûr. Vas-y. Bien sûr. Oui, t'es normal. Tu es en train de. Tu t'es étoffé. En fait, tu mets des pulls très larges, là, donc. Ouais, là, ouais, trop large. Ouais, parce que j'aime bien. Trop large, non. Celui-là, on sent qu'il a essoré à 1200. C'est pas moi, mais. C'est un drapeau. C'est un peu comme un jogging. Il le tient, côté sous le bras, il peut faire un drapeau. J'ai remonté les manches. Et tu mets un ventilateur, il avance plus. Ah ouais. Non, quand même pas. Pourtant en bas il est court, tu vois. Non mais il est fou, il est trop court et trop large, c'est ça. Ouais, il est mal foutu le haut. Ouais, mais et souvent les pulls, ils sont pas assez longs et trop courts. Je l'ai acheté chez Zara. Pas assez trop court et trop large. Ouais, on souvent, est d'accord. Hein. Pourquoi ils font au lavage mais... C'est au lavage en fait souvent. Ouais, merci. Avec plaisir. Émission spéciale pressing ce soir. À quoi une émission? Salut, ça peut être gravement. Ah oui, carrément, avec plaisir. On faisait un concours de celui qui jouait le mieux de la guitare. Et quelqu'un a éteint la lumière et en voulant la rallumer, j'ai cogné ma guitare contre la tête du petit frère. Oula. De l'ami avec lequel je faisais le concert et il s'est ouvert aussi. Normal. On va t'appeler sans problème. Ça saigne. Et toi, Louis, t'as déjà fait un jeu à la con où tu t'es blessé un peu ou t'as regretté de le faire? Non, pas trop, je suis assez prudent moi. Ah, c'est vrai, ouais, c'est bien. Bon, encore peut-être. Mais... Ouais. T'as quel âge, Loulou? Moi j'ai 13 ans. 13 ans, ouais. Ah, ouais. Bon, à 13 ans, j'avais fait une connerie. Hein. Bah oui. Bah, tu t'as jamais fait de connerie, franchement, arrête. Ah si, si, quand même. Ta grand-mère qui écoute ou quoi, là? t'as peur qu'elle te déshérite ou quoi? Non, attends. Elle peut pas. À 13 ans, moi, j'en avais fait des conneries. Bah, oui, une connerie que t'as fait avant 13 ans, j'aime du standard. Ah, franchement, là, je suis comme ça, je me rappelle plus. Mais ah, j'ai baisé une meuf avec Non, j'ai commencé très tard en plus, tu le sais, ouais. Ouais, bah, je sais, non. Mais si, je le dis souvent, 18 ans. Ah, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. J'ai essayé une connerie que t'as fait avant 13 ans. Moi, je crachais sur les gens, sur les balcons, et je shootais les gens avec les ballons de foot. Mais en sortant des cours. Mais lui, il a la haine envers les gens. J'avoue, t'as vu, je suis pas. Non. Julien, il y en a un que t'as fait avant 13 ans. Avant 13 ans, moi, je suivais tout le temps mon grand frère et je prenais des billes et je les lançais sur les voitures, donc dans la rue ou des voitures. Dans ça fait longtemps qu'elle a pas fait une phrase normale. Ouais, hein, c'est vrai. À chaque fois que tu parles, tu ça, alors que dans la vie, elle parle très bien. Ouais, et dès qu'elle arrive à l'antenne, elle est plus la même. Mais voilà, on éclatait les rétroviseurs et les vitres des voitures. C'est pas bête. Ça, c'est très très bête. Débile. Ah ouais. Non, c'est vraiment très très énervant. Ouais, mon Louis. Ouais, non, si, je fais des conneries. Par exemple, bah, je lance des marrons sur les mecs dans la course. J'en ai buté un hier, là. C'était juste. Sur des marrons, t'en as buté hein. Ouais, t'en as touché un, quoi. Ouais, t'as fait mal. On lance des marrons dans la cour et c'est juste nickel. Ouais, bah pourquoi vous lancez pas des cailloux plutôt? Ouais, pas qu'un marron. Faites les choses à fond. Ouais. Qui t'a tapé fort. Ouais. C'est le point. C'est pour rien, surtout pas. Attends. Vous faites pas chier ou vous faire mal pour rien. Ouais. Hein. Chez le stagiaire, il a des avant-bras de pénisman. Salut à toi. Non, n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Bien joué, bien joué. J'ai pris des feuilles avec un pote, on les a brûlées à côté d'un immeuble. On a presque brûlé l'immeuble des gens. Me poursuivent. Alors attends, on va t'appeler. Vous allez nous raconter un peu vos histoires. Vous êtes nombreux à nous appeler. Clara qui a fait tomber des gens. Hein. C'est ça que tu me disais avant, Clara. Comme je t'ai dit, on avait mis de l'eau et puis tout. Ouais, t'as fait casser la gueule, j'avais mis le balai dans le couloir en travers et puis il l'a pas vu, puis il s'est bouffé dedans. Ouais, je sais pas, c'est le lavabo. Il y en a qui dit, je sais dire, il a les avant-bras, Popeye. Popeye, des gros avant-bras et des petits bras. Quoi. Ouais. Pas des petits bras. Attends, il y a Jordan de Vierton aussi. Jordan, 15 ans, tu m'entends, Jordan? Allô. Ça va ou quoi, poteau? Vous allez bien, Jordan? Salut. Vincent qui est dans une église, il va nous raconter les conneries que vous avez fait entre potes en soirée, les jeux à la con vous avez fait et finalement vous avez regretté parce que ça s'est mal terminé. J'ai un stagiaire une fois s'est coupé une couille. Non, avec une hache ancien sans doute. Il va nous raconter suite à un pari pour avoir un verre gratos. J'ai encore mes deux couilles. Il va nous raconter. Il en a une dans la poche droite. Oh, c'est dégueulasse. La poche. On va se raconter les conneries. Alors, excuse-moi, Clara, qu'est-ce qui t'arrive? Je raconte tout. Tu voulais parler de violence pour le plaisir, toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Avec ton mec. Oh, bah, bien sûr. Oh, bah, oui. Tu vois, là, c'est toi qui nous avais appelé. Si je dis pas de conneries, Clara. Hein. Parce que t'avais pris. Je dis pas de conneries. T'avais pris un râteau. Et tu adorais, en fait, te rentrer les dents du râteau. Dans la raie des fesses. Tu te ratissais en fait. Oh, quand tu passais à une. Quand tu passais à un péage de métro. Quand tu passais à un péage de métro. Et le balai tapé sur le bord. Oh. Ouais. On n'a pas d'alerte CSA là. Quand ça se fait normalement, on prend une alerte. Ah, ouais. À chaque fois que je dis un truc à la con, il faut que je passe de la culture. C'est l'alerte CSA. Surgis de l'immensité des flots, ils apparaissent tous les ans à la même époque au large de l'île de Man, en mer d'Irlande. 10 secondes, je suis baisé pendant 10 secondes. L'île de Man ne fait partie ni du Royaume-Uni, ni même de l'Union Européenne. Elle dépend directement de la couronne d'Angleterre. C'est fou comment c'est chiant. Hein. Ouais, l'île de Man. Je vous jure, j'ai des alertes qui partent n'importe quand. Il suffit que je dise un mot de travers. Ah ouais, c'est... Et ça part. Hein. Alors, Clara qui a fait couler de l'eau, on l'a compris. Hein. Clara qui adore se mouiller entre copains. Et puis Jordan qui est là de Virton. Oh. Jordan, t'as droit, hein. Jordan, toi. Jordan, je te vois un peu poilu, toi, Jordan. Oh que oui. C'est ça, hein, t'es poilu. Oui. Je vais changer d'émission, j'ai fait un médium de poilu. Ouais, c'est un mec, hein. Non, Jordan, t'as 15 ans, mais je te sens très très brun, très très poilu. Tous les mecs sont poilus. Non ouais. Moi, à 15 ans, j'étais pas poilu, je suis à 30 ans pas poilu. Alors, Ouais. Non, je te sens un peu poilu, Jordan, je te vois avec beaucoup de moustaches. Ah, mais comment tu fais? Et je te vois avec des poils. Rigole pas, beaucoup de poils sur les bras noirs. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et je te vois avec des cheveux très épais. On peut dire ça comme ça, ouais. Hein, les cheveux environ 5 cm que tu te tonds toi-même ouais. Avec la tondeuse. Ah, c'est précis. Ah non, non. Hein non. Je vois. Attends, tu te lisses les cheveux avec un fer à repasser. Le tanche de l'esthétisme. Tu te mets du mascara. Tu te fais un masque. Et du fond de teint. Non, mais tu sais quoi, moi, j'aimerais bien. Hein. Putain, c'est dommage que les hommes, on n'ait pas le droit de se maquiller. On aurait mis. J'ai acheté un crayon, moi, le frère. T'as acheté un crayon pourquoi? Pour mes boutons, j'avais un gros bouton pendant les vacances. Ouais. Et du coup, j'ai acheté un crayon à Sephora parce que c'était pas joli. Ouais. Ah, je l'ai pas dit, ça, ouais. Et sous son air baroudeur, il a coupé. Un gros bouton sur le front l'été, c'était pas bon. 3 jours. Ah non, le mien, je l'ai gratté, il devient plus gros. Ouais. Et du coup, j'ai à Sephora, 10 euros. Hein. Au lieu de se poser la question de ne pas gratter, il s'agit Ouais, mais j'ai pas réfléchi, donc voilà. J'ai mis du blanco, j'étais sûr. Ah, mais un crayon, c'est bien. Vous êtes la seule radio que j'aime entendre blablater et rigoler le soir. Vous êtes vraiment les meilleurs. Je vous écoute chaque soir en rentrant du taf. PS, j'aime la sodo. Merci beaucoup. Salut. J'y aime même la sodo, pardon. Non, c'est le hashtag j'aime. Regarde, j'aime ça. Je l'ai vu, moi. C'est un hashtag, carrément. Toujours pas. Vous pouvez balancer des dédicaces. J'ai un stagiaire à Branley Ben Laden. Merci beaucoup. Ah, mais sérieux. Non, attends. Il n'y a pas d'alerte. J'ai un stagiaire à succès, vous avez. Ah, mon alire. Pas la mandaline, c'est marqué. Ah, je voulais la mandaline. Ouais, c'est ce qui t'arrive. Non, j'ai pas compris. Calmez-vous, calmez-vous. Trop de bruit, là. C'est la seule radio que j'aime écouter. Merci beaucoup, les mecs. Hein. Vous êtes con, envoyez des messages. Je lis depuis tout à l'heure des messages à la con. Il faut plus les lire. Bonne message. Aussi, son officier va mourir, du coup. Ouais, moyen, moyen. Avec mon frère, un pote, on s'est amusé la nuit à faire tous les manèges de la fête foraine alors qu'ils étaient fermés. Mais sur un manège d'association, on voulait lui faire un looping. Non, mais c'est, tu crois quand même pas que mais je vais non. te croire, frérot. Tu crois quand même pas que tu montes dans un manège, t'appuies sur le bouton. Ouais, ouais. Bah, oh, s'il est forain. Et, non, mais évidemment que non. Mais non. Là, il dit, je suis monté, j'ai appuyé sur le bouton, je suis parti avec mon cousin. Non, non, je sais que c'est pas vrai, je veux dire. Il y a des fois où vous pouvez me ken, mais faites-le de manière intelligente. Ouais. Pas arriver en me disant que vous avez allumé la tour Eiffel en branchant la prise. Quoi. Pour la vous croire. Alors Jordan tu t'es fait mal. On parlait des jeux où on s'était déjà blessé. On avait regretté d'avoir fait un jeu à la con avec des potes en soirée. Voilà. Ouais. Ben, en fait, j'étais en vacances en Tunisie. Ouais. Il y avait la plage. Et genre, au bout du sable, il y avait une haie. Et juste derrière la haie, il y avait du béton, tu vois. Et moi, j'étais sur le béton. En fait, avec des potes, on s'amusait à sauter par-dessus la haie. Sauf que, genre, il y a mon pote qui saute, il me fait attention, il y a une barre. Moi, comme un con, je saute et la barre, ben, je me suis transpercé le pied. Transpercé. Aïe. Ouais, ouais, genre de base en haut comme ça. Ouais, et alors, t'as fait comment après? T'as marché des béquilles pendant 3 mois, du coup, non? Bah, en fait, j'ai même pas vu la barre, tu vois, parce que quand j'ai roulé, elle s'est barrée. Et puis, ouais, après, on a dû aller en hôpital en Tunisie, c'était le bordel. Ouais. Les hôpitaux en Tunisie, c'est comme dans les années 60. Ah, bah ouais. Et t'as fait quoi? Tu t'es fait recoudre le pied? Ouais, ils m'ont recousu comme des gros bourrins. Ouais. Et puis bon, maintenant, je dirais. Ouais, ouais. Et attends, et pendant combien de temps t'as pas marché? Non, pendant peut-être 2 mois. Ouais, c'est long. Et t'avais les béquilles? Ouais, j'avais des béquilles. Ouais. Et, t'étais pas avec cloche-pied pendant 2 mois, quoi. Ouais. Ah non, quand même pas. Et à la fin, j'avais une chaussure avec un gros talon, tu sais, pour pas marcher sur le devant du pied. Ouais. Parce que c'était sur le banc. Et du coup, je marchais que sur le talon. Enfin, j'avais trop l'air d'un con. Ouais. Bah, tu boites un peu, quoi. Ouais, faut faire attention. Ouais. Les jeux à la con, vous êtes nombreux à nous passer des coups de fil à Fanny. Fanny, 19 ans à Carcassonne. Alors, Fanny, toi, tu travailles dans quoi, Fanny? Je travaille pas. Ah, c'est-à-dire, tu cherches dans quelque chose ou tu travailles pas? Non. Je fais mes études à Toulouse pour le moment. D'accord, ok. Et études de. Psycho. De psycho, ouais. Psychologue. Très bien. Tu sais ce que t'as envie de faire après ou pas? J'ai pas d'idée précise pour le moment, mais je pense peut-être infirmière en psychiatrie ou ce genre de choses. D'accord, ok, ouais, c'est bien. Ouais, putain, infirmière en psychiatrie, ça va être chaud. Ah ouais. Faut avoir de la patience. Moi, j'aurais peur de devenir fou. Ouais, aussi, ouais. En fait, le fait de côtoyer des gens, moi, je sais que je suis un peu un buvard et que je me nourris beaucoup de l'énergie qui m'entoure. De te faire agresser, et, surtout. Et j'aurais peur. Non, mais ça, c'est pas trop un problème. Bah, si le mec, il est fou en face. Oui, non, c'est vrai aussi. Il te mord, en vrai, je pense que tu rentres dans des cellules où t'as des mecs qui sont complètement tarés. Ah ouais, c'est sûr. Et dans certains hôpitaux, tu dois avoir quand même peur parce qu'il y a des mecs, c'est des tarés, donc ils se rendent pas compte qu'ils te tuent, quoi. Bah ouais, ils savent pas s'ils font à te bouffer, quoi. Ouais. Vous êtes déjà dans un hôpital psychiatrique? Vous avez déjà fait de la psychiatrie dans l'équipe Gilles Sandard? Jamais, Guillaume, vraiment. Jamais, j'ai stagiaire. Non, jamais, non. Jamais, non, pas du tout. Julia, jamais. Flo des cadeaux? Non, jamais, mais j'ai plein de potes à moi qui bossent en hôpital psychiatrique en tant qu'infirmier. Et alors? Et ils me racontent des anecdotes assez ouf, ouais, où il y a des mecs qui les ont attaqués et tout, quoi. Ouais, faut faire attention. Ah, ils tapent les mecs. Et ils recherchent vachement de mecs infirmiers psychiatriques parce qu'il faut être un peu physique. Quoi. Ouais, bien sûr, ils sont costauds les mecs. Ouais, ça faut des mecs peur, pour maîtriser. Ouais. Ah, franchement, je sais pas si je serais gentil, moi. Il y a pas la police là-bas? Après, moi, j'ai un ou deux potes de l'époque du collège qui ont fini dans des hôpitaux psychiatriques. Ah ouais? Ouais. À propos de quoi? Bah, parce qu'ils fumaient trop, ils prenaient trop de drogue et tout. Ah, ils ont bugué. Ah ouais? Ouais, j'ai des nouvelles des frères, ils me disent ça, ouais. Ouais, un jour avec ma famille, un dimanche, on a allumé la tour Eiffel avec sa prise, c'était trop cool. Ah bien joué, il envoie le SMS que j'ai dit. Moi, mort de rire, j'ai un stagiaire préféré, un dos dans le cul plutôt qu'un couteau dans le dos. Salut. Bah oui, comme tout le monde, je pense. J'aime du standard. Non, je peux pas le dire celui-là. J'ai un stagiaire, c'est la setup à Charlemagne. Arrête, Charlemagne. Je viens de croiser, j'ai un stagiaire devant une. Non, je peux pas le dire ça, les gars. Non, non. Avec des haribos, la police est en. Non, non, oh, les gars. Non, sérieux, non, pas de blague avec ça. Ça va pas ou quoi? Eh, ça va. Salut. Venez-vous un peu. Bonsoir, encore un gros merci pour l'enceinte Bluetooth que j'ai gagné il y a quelques temps. Je viens de la recevoir. Mathis du 37. Salut, Mathis. Salut. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Fanny? Alors, c'était quoi ton jeu à la con où tu t'es fait mal? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec des potes, on est allé se baigner dans un lac. Ouais. Et il est assez grand, du coup, il y a plein de postes de secours. Et il y en a un, en fait, qu'on a trouvé qui était vraiment au bord du lac, donc à moitié mis dans l'eau. Ouais. Et du coup, vachement en hauteur. Ouais. Et genre, je passe sur au niveau du toit, on doit être à 4-5 mètres, peut-être un petit peu plus. Et on s'amusait à sauter du toit, en fait. C'était du bois. Et au départ, ça glissait pas, normal. Sauf qu'au bout d'un moment, de remonter, de re-sauter, en fait, on mettait de l'eau partout. Et il y a un moment où j'ai sauté, j'ai pas fait attention, j'ai glissé et juste au bord. Et en fait, en tombant, j'ai pas réussi à bien chuter dans l'eau. J'ai fait un plat sur le côté et en fait, j'ai la cuisse qui s'est ouverte sur une petite dizaine de centimètres. C'est vrai, et alors ? Mais du coup, l'eau rouge. En panique, ouais, bah, un peu, ouais. Ouais. Du coup. Oh là là. Ouais. Et ouais, bah, on a appelé les pompiers. Et, bah, parti aux urgences et les points, quoi. Ouais. Parce que quand tu prends un bain et que j'ai un stagiaire, le marron. J'ai pas de baignoire. Oh, non, attends. J'ai pas de baignoire. Quand tu dis marron, c'est. Marron, pardon, rouge, c'est. T'as eu des points de suture, donc beaucoup, quoi. Ouais. Et t'as encore la trace? Non, ça va, c'est une petite cicatrice, mais ça va, elle reste assez discrète. Ouais. Après, c'est pas énorme à 4 mètres hein, pour un plat. Mais enfin, c'est un mauvais plat. Non, mais c'est haut. Non, mais oui, quand même. Ouais, voilà. Tu peux être cassé avec un plat. Quand même, si, ouais. Non, 4 mètres et tout. Qu'est-ce que j'ai stagiaire ? Tu peux te castrer avec un plat. Non, je sais pas si tu peux te castrer. Ah, bah si. Tu veux dire reportage comme ça. Non, non. J'ai stagiaire, c'est quoi ce front imitation parking d'Auchan ? Bah, c'est quoi faire. J'ai stagiaire, c'est bien la gueule avec son legging jaune fleur. On écoute un jeune demoiselle chercher avec moi. Je suis pas Diams. J'ai stagiaire, AKL, le rabatteur de DSK. Non, mais les gars. Ouais, mais n'importe quoi. C'est parti. Ne me mêlez pas ça. Non, mais qu'est-ce que vous dites, les mecs ? Ça veut rien dire. Guillaume, et votre message aussi, 112. Niveau psychiatrie, il faut mater Shutter Island avec DiCaprio. Tu vois. Ah ouais, je l'ai vu. Ah bah oui. Ah, il est chelou. Fanny qui a fait un plat de 4 mètres. Vous avez déjà fait un gros plat, ouais. Moi, je me suis vraiment fait mal. J'ai plongé de 7 mètres de haut. Et j'ai plongé. Et même en mettant les mains et tout, ça m'a tapé sur le crâne. Et j'ai vu tout blanc. Ça m'a fait des étoiles et tout. Faut faire attention avec l'eau. Franchement, c'est vraiment un truc pour se blesser comme un débile. Quoi. Ça va vraiment vite. Et tu peux vite te péter le dos et tout. Tu t'es fait claquer, toi, j'ai stagiaire. Non. Avec un élan de 7 mètres. À la question, Malsan, n'importe quoi. Jamais. Non. Moi, je sais pas plonger, donc tous les plongeons, c'est des plats pour moi. Ouais. Ah c'est pas faire un plongeon. Ouais, c'est vrai qu'il sait rien faire. Quand je veux un plongeon, je m'en fous d'un plongeon. On est déjà à la piscine ensemble et lui il va pas plonger la corde ou quoi. S'il y a des cordes, ouais, je vais lui il saute comme une fille. Quand je veux plonger, ben ça fait un plat donc je me fais un peu mal donc j'arrête. J'ai été moche que. Alors attendez, non, c'est quoi, je c'est la prostituée Al Capone, merci beaucoup. Al Capone, ça va pas ou quoi? Ça va, Guigui de la régie? Ouais, non, ça va très bien. Guigui de la régie, c'est le mec qui nous découpe tous les trucs et tout. T'as pris des sons aujourd'hui, il nous fait écouter deux fois par semaine des petits trucs. Le mardi, il nous fait écouter les sons qu'il a trouvé intéressants et tout. Là, c'est sur quoi? C'est sur l'année 84. Ouais, c'est ça, l'année 84. Chaque année, en fait, chaque semaine, on avance d'un an. Ouais. C'est ça. Donc là, c'est en 84. Qu'est-ce qui s'est passé en 84? Bah, du coup, on va commencer par le 8 décembre. En fait, il y avait une grosse manifestation pour énergie. Ouais, énorme. En 84? Ouais, c'est ça. Le 8 décembre, en gros, il y avait la haute autorité audiovisuelle, c'était l'ancien CSA. Ouais. Ouais, déjà. Et en gros, ils étaient déjà là. Ah merde! En effet, ce crustacé d'environ 2 cm est équipé d'une pince spéciale. Celle-ci mesure la moitié de son corps et peut être qualifiée, sans exagérer, d'artillerie lourde. C'est des vrais reportages. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc? Ils ont fait une manifestation, en gros. Ouais, c'est ça, parce que le CSA les avait sanctionnés parce qu'en fait, ils émettaient très très fort au niveau des ondes. En gros, ils n'étaient pas trop autorisés, quoi. Ouais, voilà, c'était un peu, peu chelou. Et du coup, en fait, Energy avait appelé les auditeurs à manifester dans la rue de Paris. Ouais. Et forcément, bah, du coup, les JT, ils en ont parlé. Ah, c'est une manif à l'époque qui était pour Energy, parce qu'Energy a été interdit. Et il n'y avait pas de radio autorisée. Il n'y avait que les radios d'État. Et du coup, tous les jeunes écoutaient ça. Ils ont dit, attends, vous n'avez quand même pas nous enlever la seule radio qu'on a, quoi. La radio FM de Paris Énergie. Cette radio, avec cinq de ses consoeurs, est en conflit avec la haute autorité de l'audiovisuel, qui lui reproche d'avoir des émetteurs trop puissants et de brouiller la bande FM, que ce soit pour les aéroports ou les pompiers. Énergie avait été suspendue aujourd'hui pour 30 jours. La radio avait appelé ses auditeurs. C'est fou, hein. Ils avaient coupé. Il y avait beaucoup de gens dans la rue, je crois. Ouais, ouais, surpris, 300 000. Ce ne sont pas les 5 ou 6 000 manifestants. Alors, il reste juste 30 secondes avant la vue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoutez, important. Hein. Après, c'est Patrick Sébastien. J'ai trouvé un extrait qui est sur Antenne 2. En fait, il était connu pour ses imitations. Ouais. Il imite hyper bien Coluche. Ah ouais. Parce que j'ai une histoire, je sais pas si quelle heure il est. Ça, c'est Sébastien, ça? Ouais. Patrick Sébastien. J'ai une blague, c'est une histoire sur un prince charmant. C'est une gonzesse, comme ça, une gonzesse, qui est sur le bord de l'eau, puis qui voit un loup qui se noie. Alors, elle aime bien les loups, la gonzesse, alors elle sauve le loup, parce que c'est un peu comme Brigitte Bardot, elle aime bien prendre les loups, ça. Et elle attrape le loup, bon, elle attrape le loup par la queue, une extrémiste, elle le sort par la queue, attrape un peu la queue, sort par la queue. Et le loup, il se transforme en prince charmant, et il dit, maintenant, vous pouvez me lâcher. Ouais. C'est les années 80, Et après, il y avait l'inauguration de Canal Plus aussi. Très bien. Il est 8h, 4 novembre. Ouverture de l'antenne de Canal Plus. Putain, c'est énorme. Le président de Canal Plus, au nom de

On a gardé le meilleur pour la fin. Pour la fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Salut Guillaume, on était en soirée avec des potes, puis on allumait la machine à fumer, ça fait sonner l'alarme incendie, les pompiers sont venus. On s'est fait défoncer par nos parents. Salut les gars. Salut. Salut. Alors on parle des jeux à la con qu'on a fait en soirée, etc. Là, voilà. Guillaume et votre message aussi 612, est-ce que vous avez déjà fait pareil? Des conneries en soirée. On va se filer des. On a les FIFA 17, hein, c'est ouais, ça? C'est bon, ouais. Allez-y, hein, s'il y en a qui veulent des FIFA 17, il m'en reste plein. On a reçu un carton. Un petit cacard tout à l'heure. On le file maintenant, là, comme ça c'est terminé. On en gardera quelques-uns pour demain, mais Flo des cadeaux, on les a? Ouais, on les a sur PS4. Ouais. Bon, s'il y en a qui les veulent, allez-y. Hein. Guillaume, donc, et vous m'envoyez FIFA, F-I-F-A, avec votre numéro maintenant, au 6-11-12. On va retrouver l'un d'entre vous qui a joué avec un fusil avec des potes, il s'est pris une balle. Ah merde. Voilà, c'est vraiment con. La merde. Attention. On va le faire. Guillaume, donc, un espace, et vous marquez FIFA, F-I-F-A, avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. Si vous voulez, allez-y hein, par message, Guillaume et FIFA avec votre numéro au 612. On fait un petit tirage de sort maintenant. J'ai un stagiaire Asus Franck Pro. Non, les gars, arrêtez. Ça va. Pour avoir les cheveux. Non, mais les gars, arrêtez. En plus, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps dans la rue. Félicitations à Kev Adams qui est entré au musée Grévin. Tu l'as vu, j'ai un stagiaire? Ouais, je l'ai vu, ouais. Vers les Champs-Elysées à Paris, ouais. Ah, énorme. Donc voilà. Bah, vers le bureau, c'est ça? Oui, vers le bureau, ouais, c'est ça, ouais. J'allais faire mes petites courses. C'était pas la fois, on est allé, non? Tu l'as revu? Ouais, je l'ai jamais vu en fait. Ah, d'accord. Tout seul et je l'ai vu avec une. Il était avec une dame. Ah, d'accord, ouais. C'est avec JM du Standard. C'est ça, on l'a vu ensemble. Bah, Franck Provo, c'est marrant. Il est surtout les shampoings. Ah, c'est ouf. Quoi. Mais en plus, ouais, c'est un coiffeur énorme, star, quoi. Parce que tout le monde le connaît en France. Quoi. Ouais, même plus, vrai. Il coiffe encore. Jean-Louis David, Franck Provo, ils sont 3 ou 4 à avoir des trucs partout. Ouais. Quoi. J'ai planté un tournevis dans la tempe de mon pote qui faisait le con pendant que je faisais de la mécanique. Ah, c'est moyen. Salut Guillaume, c'est pourquoi le juste prix. Allez-y, on vous file déjà les FIFA 17 là maintenant. Guillaume, donc, un espace et vous marquez FIFA, F-I-F-A, avec votre numéro de téléphone dedans au 6-11-12. Il y aura une tablette Samsung Galaxy Tab A. Ah, on fera dans un instant le juste prix aussi. Guillaume un espace et vous envoyez pour le juste prix dans un instant, on va le faire, mais d'abord Guillaume un espace et FIFA avec votre numéro au 612. On va faire un petit tirage au sort. JM du Standard se fait fister par Caris tous les soirs. Les croche-pattes et des gens qui jouent au ping-pong. Mon pote se l'est pris les dents contre la table direction l'hôpital. Ah ouais, ah ouais. Le stagiaire la pute à rembourser. Non, arrête. À chaque fois que quelqu'un me dit une surprise qu'il veut faire à quelqu'un, je ne sais pas que c'est une surprise et je lui ai dit ce que cela veut dire. Je comprends rien au message, ah ouais, mec. Ouais. Allez voir la catégorie gay sur YouPorn. J'ai vu un stagiaire à quatre pattes. Ah bah non, je crois et pas. Son père dessus. Non, non, sérieux. Mais c'est lui avec son père qui va là-dessus. Non, non, vous n'êtes pas ça, les gars. Sérieux. J'ai pas osé cliquer. Non, non, les mecs. Vas-y. Pas de trucs comme ça, pas de trucs comme ça. Allez-y, on a des FIFA, on enfile plein des FIFA, on se fait des rafales. S'il y en a qui en veulent, allez-y, Guillaume, un espace FIFA avec votre numéro. Essayez de le faire, vous allez voir que ça fonctionne vraiment en 30 secondes. Si vous voulez faire une petite dédicace ou quoi, ça fonctionne aussi. Ça va hyper vite. Salut, je suis un stagiaire, c'est un peu comme une grosse merde, il a la gueule et redit. Non, c'est lui la grosse merde. Pourquoi il parle de ça? Mais pourquoi t'as autant d'ennemis, je sais pas. C'est parce que tu lis les messages. Non, je lis. Non, mais Guillaume, t'alimentes le truc. Je lis forcément les messages parce que c'est l'émission et que c'est le concept. Oui, mais forcément, t'en lis un, t'en lis deux, forcément, les gens, ils vont en envoyer. Non, mais après, c'est vrai que. Alimente. Attends, mais j'ai déjà semé un doigt bleu devant Avatar, les gars. Mais j'aime pas le cinéma, je m'en fous. Hey, vous êtes tarés, les mecs. Bleu. Guillaume, un espace. Et on n'a pas le mec qui s'est pris une balle, Flo des cadeaux, là, au standard. On l'entend très mal, en fait. Donc ah, il va s'arrêter. Frérot. Hey, ouais, vas-y, arrête-toi en camion ou quoi, comme ça on t'appelle. On fait de la radio ensemble, les mecs. Vous êtes hyper nombreux à appeler, vous êtes à la maison ici. Il y avait Madeline, 18 ans. Tu m'entends, Madeline? Oui. Bonsoir Madeline. Salut. Bonsoir. Bonsoir Madeline qui est là. Jérémy aussi, ça va Jérémy? On dit bonsoir à tous. Salut. Ça va ou quoi? De Bénezère, c'est ça, en Belgique. Oh, ouais, c'est bien ça. Ça va le Belge ou quoi? Tranquille, enchanté Jérémy. Ouais, tranquille. Ça va. 24 ans, tu travailles dans quelque chose ou tu es étudiant? Oh non, je suis vendeur en électroménager, moi. D'accord, ok. Et t'as fait un test à ne surtout pas faire. Ah, je vais juste le dire. Ah oui, non, il faut pas. T'as essayé de faire une bombe, voilà, donc c'est un truc qui est absolument... Non, une bombe qui pète. Pas à ce point-là, pas à ce point-là, c'est des explosifs légers que j'ai essayé de faire, c'est des conneries quand j'avais 13 ans. Bah, il y a des petites bombes, bah oui, il y a des bombes légères, voilà, des grenades, voilà. Et donc ça c'est vraiment les mecs, le nombre de gens, depuis que je fais de la radio, qu'on a fait des sujets spéciaux parfois, qui ont perdu leurs doigts, qui ont perdu leurs mains. C'est comme les pétards. C'est super dangereux. Non mais, je dis pas ça pour genre... rien à branler, faites-le si vous voulez, mais je préviens juste, moi j'aurais servi à ça dans ma vie. Si j'ai pu peut-être sauver une main dans ma vie, bah j'aurais dit, je suis pas mort pour rien, j'ai pas servi à rien. Voilà, mais faites gaffe, juste si vous jouez avec des explosifs, ne le faites pas. Voilà. Bah, c'est un peu moyen. Non, c'est super dangereux, faut pas le faire. Mais c'est encore un pétard, bon voilà, vous jetez le pétard, moi j'en ai fait un milliard, j'en fais encore, j'en ai même dans ma boîte à gants, j'ai 31 ans, j'ai des pétards dans ma boîte à gants. Bah, pour le réveillon, tu vois. J'ai au moins 5 paquets de pétards. Quand je suis avec des potes et tout, dans les champs, parfois, bien sûr, je m'arrête. T'as pas le droit, moi, je m'arrête avec des potes et tout en week-end. Est-ce que j'adore faire, c'est accrocher des pétards à mon drone. Je prends une ficelle et je rajoute une longue mèche et en fait je mets un pétard à mon drone et je vais très très haut et je monte le plus vite possible si le pétard il pète en l'air, voilà. Ça et je filme parce qu'en fait je mets un fil, donc en fait il est à 10 mètres du drone, le truc. C'est un peu comme fil. Une montgolfière, ça le suspend, quoi. Et voilà, ça n'a pas grand intérêt. mais c'est rigolo à faire, quoi. Et voilà, ce genre d'expérience j'aime bien, mais faites vraiment gaffe quand vous jouez avec les explosifs, parce que là tu dis non, t'as joué avec la poudre noire. Quand même. Explique ce que t'as fait, mais donne pas les ingrédients, s'il te plaît, parce que moi, pareil, j'aurais eu à un moment donné, à un certain âge et tout, j'étais au camping avec mes potes, j'avais rien à foutre, et si j'avais entendu la radio, ingrédients, j'aurais cherché les ingrédients. En ce moment, faut pas. Donc le fait. C'est ça. Mais de toute manière, c'est un truc qu'il faut surtout jamais faire. Mais ici, c'était avec des morceaux de PVC, un bouchon de chaque côté. On mettait une longue mèche, et soit du gaz, soit de la poudre noire, et on déclenchait simplement ça à distance. Et au bout d'un moment, bah, évidemment, comme c'était dans un terrain derrière chez moi, bah, y a quelqu'un qui a appelé la police et ils sont venus. Mais ils sont intéressés. Au final, ils nous ont un petit peu encadrés aussi pour dire de pouvoir faire ça plus en sécurité, de nous amuser un peu aussi, mais comme ça les intéressait et que ça les intéressait un petit peu ce qu'on faisait, bah, ils sont pas tellement fâchés, ils nous ont même plutôt aidé à le faire, quoi. C'est vrai. Ah ouais. Ils ont filé de la poudre. Ah mais ils sont sympas, les flics en Belgique. Ils sont cool. Ils t'ont pas mis d'amende, t'as pas eu de couilles? Non. J'avais 13 ans en même temps. Les parents, c'est pas de raison. Ici, ils savaient bien que c'était des conneries d'adolescents. Ils m'avaient déjà même pris avec un patator. Ça, c'est énorme. Le patator. Bon, Vous connaissez le patator ou pas? Alors, ceux qui connaissent pas le patator, je vous explique. Écoutez, émission, on connaît, on a déjà parlé. Non, je connais pas. Non, mais c'est pas possible. Bah, justement, j'allais. Non, mais tu fais semblant d'oublier. On en a déjà parlé. Peut-être. Alors, mais un immense tube. J'ai zappé. Où tu mets du gaz sous pression, t'allumes et ça fait. C'est une sorte de lance-patate. Voilà, c'est ça. T'en avais même petit à la radio. Exactement. C'est un flashball. Ouais, c'est comme un flashball. C'est un flash patate. Et attends, et ça tire très très fort. Il y en a qui tirent extrêmement fort. Oui, c'est déjà violent, mais maintenant imagine que tu bouges l'autre côté et que tu allumes quand même. Tu vois ce que ça donne. Ouais. Que tu bouges l'autre côté. Ah oui, bien sûr, ça te pète à la gueule, quoi. C'est quoi le but? Donc faut faire attention quand même. Et comment tu trouvais de la poudre noire, toi, salopard? Je la faisais moi-même. C'est-à-dire? Je la faisais moi-même, je vais pas dire comment on l'a fait, mais je la faisais moi-même directement, donc j'allais chercher les ingrédients et je la faisais moi-même. Ah oui, donc on est d'accord, t'es quand même un chimiste, quoi. Un peu, ouais. Non, pas spécialement, mais de toute manière, j'ai même continué par après, parce que maintenant, je continue par en créant des épées médiévales, je suis coutelier, je crée des fouets pour tout ce qui est théâtre, etc., ou bien alors pour le dressage de chevaux. Donc je continue malgré tout dans le même truc, mais j'ai arrêté les explosifs quand même. C'est mort. Ah ouais, et t'as réussi à faire de la poudre? Ouais, donc faut surtout pas le dire à la radio. Il faut jamais donner les ingrédients, même à la radio ou même sur internet, c'est pas compliqué. Non, c'est vrai. Et ça t'a jamais pété la gueule? Non, parce qu'on faisait quand même super attention, malgré qu'on était très cons, mais on faisait quand même très attention, on prenait des longues mèches et on se mettait à 80, 90 mètres derrière un mur. 80, derrière un mur aussi, donc on essayait quand même de faire gaffe. Et c'est ça un petit peu qui sait que. Quand les flics ont vu que malgré qu'on avait 13 ans, qu'on était très cons, et qu'on essayait quand même de faire ça, mais qu'on se mettait quand même en sécurité, qu'on emmerdait personne, qu'on faisait quand même attention à n'importe quelle chose qui pouvait arriver, non seulement ils nous ont encadrés, mais ils aimaient bien voir ce que ça donnait. Moi j'ai vraiment joué à beaucoup de fusées de détresse. Il y en a qui me disaient, toi Guillaume, et juste les fusées de détresse, moi j'ai vraiment joué. J'ai abusé avec les fusées de détresse, j'ai mis le feu trois fois. J'ai fait déplacer des... Non mais vraiment un débile quoi. Avec des fusées détresse qui étaient permis depuis 30 ans et tout. Je jouais, j'ai trouvé dans les bateaux abandonnés. Mais t'as envie d'essayer quand tu la trouves. En Normandie on... et je faisais des bazookas en fait. On tirait avec des potes et en fait c'est le truc qui part, à... il part tellement loin. Ah oui. Déjà en l'air alors quand ça va droit ça part tellement droit. Et après ça explose fort quoi. Imagine. Donc on visait un bateau et. Ah. Pfff, ah ouais, ouais. Et ça pétait comme ça, c'était assez impressionnant à voir. Mais du coup j'ai mis le feu quand même deux fois au champ. Et après j'ai arrêté. Non mais en fait c'est vrai que j'aime bien jouer avec le feu quoi. Flo des cadeaux. Du coup on l'a refait avec Kinvé quand on l'a invité quoi. Et du coup on l'a refait. Attends, c'est pour ça que j'ai pris des j'ai pensé à prendre une fusée de détresse pour tirer Kinvé quand il est venu à l'émission de Rouen. Exactement, il est venu, on a c'était énorme. On l'a reçu là-bas ouais. Est-ce qu'il faut être majeur pour gagner la tablette? Mais bien sûr que non les gars. Non, il y a pas d'âge. Vous jouez hein, on s'en bat les couilles hein. J'ai des potes qui ont fait un patator avec une tonne à lisier et ils balançaient des melons à 600 mètres. Oh là là. Salut le bousque. Et ça c'est ah ouais. Chaud. Attends mais c'est avec une un melon. C'est ce que c'est du lisier, je sais dire. C'est quoi, c'est une fleur? J'aime ça. Le lisier, vous savez, Flo des cadeaux. Oui je sais. Ouais. C'est quoi? Mais lui c'est du fumier. Et c'est du fumier, c'est de la merde. Ah. Donc, ah ouais, le mot lisier de vache. Donc en fait en gros bah ils prenaient du gaz. Hein, je pense que ça c'est du gaz. Ah ouais, bah, catapulte méthane, en fait. Mais comment tu faisais pour faire un patator avec une tonne de lisier? Parce qu'il habite à la ferme. Non mais est-ce que vous avez mis une cuve genre avec une cheminée? Ouais, quoi, pour récupérer. Gros, ah, mais c'est un canon là. Ah, c'est un... Bah bah 600 mètres, c'est 600 mètres. Ah, hein. Ouais. Après je sais pas si tu te rends compte ce que c'est 600 mètres quand tu nous dis ça toi. Ouais. Il y a peut-être un 0-3. Hein. Ah ouais. Bon hey, les gars, Guillaume en espace FIFA, FIFA, FIFA avec votre numéro. Allez-y si vous voulez essayer en 2 secondes. Je vous file maintenant. Sur Energy, Guillaume et FIFA avec votre numéro. J'ai plein de FIFA, on en offre un. Tout de suite, on va en offrir d'autres. FIFA 17, c'est que du piston dégueulasse. Mais genre, oh, mais non. Salut 06 62 12 14, n'importe quoi. Salut. Tu vas voir, je viens vraiment d'appuyer sur F8, ça va nous tirer un numéro au sort, tu vas voir si c'est du piston. Hein. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, apparemment tu es pistonné parce que j'appelle et il y en a un qui a dit j'appelle que des gens que je connais. Ça va, c'est quoi ton prénom? C'est Zoher. Ça va, Zoher. T'es d'où, Zoher? Je suis là, je travaille, là, je suis sur Nyon. Sur Nyon? Oui, je suis en Suisse. Ah, c'est en Suisse. D'accord, ouais. Et tu fais quoi dans la vie, Zoher? Ah bah voilà. Ouais. Il est un peu loin. Ah, oui. On a vraiment pistonné un kit. Ah, ouais. Hein, tu travailles dans quoi, Zoher? Non, il m'entend pas. Ça passe pas. Tu m'entends? Je suis conducteur de bus. Ah, t'es au boulot là? Il y a les clients. Oh putain! Ouais. Eh hey, mon zozo, hey, je t'envoie FIFA 17, frérot. Je te repasse Flo des cadeaux. C'est quoi? Il garde ton numéro, il t'appelle à minuit. Il est décalé. Ah, il est nickel, il n'y a pas de problème. Ok, bravo mec. Allez, gros bisous. Voilà, on fait gagner un copain, un Zoher, chauffeur de bus en Suisse. À Nyon. On connaît bien. C'est le bus qu'on prend tous les soirs. Non, non. Quand j'étais plus jeune avec des potes, on jouait au tennis de nuit. On trempait des balles d'essence et on allumait, on jouait à taper, c'était énorme. Ah là là. Des balles de feu. Des balles de feu, ouais. Salut Mike. En vrai, ça doit être joli ça. Ah ouais. Et ça, c'est dangereux aussi. Ça prend dans la tête. Ça peut péter surtout. Hein. Parce que je pense qu'il y a un peu de pression quand ça brûle. Ouais. Bah oui. Je suis à l'hôpital psychiatrique, je vous écoute tous les soirs, vous m'avez aidé. Merci, gros bisous à toi. Salut. Bon courage. J'ai mis 1000 pétards dans ma salle de bain et j'avais des plaques rouges sur le corps. On va t'appeler, tiens, toi qui es en hôpital psychiatrique, tu vas nous raconter un peu. Il y en a un qui a fait un saut à l'élastique, il y en a un autre qui a fait un saut à ski et qui s'est démonté. Et toi, Madeline, comment t'as pété le nez en jouant avec ta sœur? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais petite avec ma sœur, on a 3 ans d'écart, et c'est ma grande sœur. Ouais. Et en fait, tu sais, quand on est sœur, on fait les concours de wet et pas cap ou wet et cap. Et en fait, on a un grand escalier qui descend jusque dans mon garage. Et ma sœur, elle m'a dit, t'es pas cap de faire le poirier en haut de l'escalier. Et forcément, moi, je lui dis que si, je l'ai fait. Le truc, c'est que vu que je l'ai bien fait, ça l'a énervé. Donc elle m'a poussé et en fait je suis tombée en bas d'escalier et donc je me suis complètement éclaté le nez. C'est vrai? Ah putain. Bah oui, tu l'as cherché un peu. Mais c'est un peu con comme défi, non? Alors qu'est-ce qu'on peut faire de bête? Qu'est-ce qu'on peut se casser? Oui. Ouais, c'est vrai que c'est un peu cherché. J'avais 5 ans, il y a prescription. T'avais 5 ans? Ah ouais. Tu peux te faire mal au dos là. Putain la vache, ah ouais, c'est encore pire. Attends, on va s'écouter 21 Pilots, on avait dit qu'on s'écouterait. Est-ce que je peux faire une dédicace? Allez, on s'écoute 21 Pilots, on se retrouve. Non, je rigole, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Je vais faire une dédicace à Enzo, l'homme de ma vie qui vous kiffe de ouf, qui vous écoute tous les soirs, à ma soeur et à tous les gens de 42, mon école d'informatique à Paris, je vous fais des gros bisous. Ah, t'es au 42? Et à vous, l'école de Xavier Niel? Ouais, j'y suis, ouais. Oh, Jésus. Oh, oh, ma chérie. Du coup, je lance une dédicace et à vous aussi parce que je vous aime de ouf. Ah, c'est vrai, non, mais attends, tu vas nous raconter 42 là. Ah ouais, vous voulez que je vous raconte? Bah ouais, attends, 42, c'est la fameuse école là. Avec Xavier Niel a fait, il paraît que c'est hyper bien quoi. On va appeler. Attends, pourquoi ça marche pas? Non, merde, attends, ça marche pas. Ah, mon déformateur de voix. Si, ça marche là. Attends. This is the show. Attends, parce que j'avais. Y'a un effet là. Attends. Merde, pourquoi je l'ai plus? Ça fait longtemps que je l'ai pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé quand même. Je suis avec Brian. Ah bah oui, madame la comtesse. Brian. Ah bah oui, madame la comtesse. Disons que je ne suis pas ma femme, mais madame. Oui, madame la comtesse. Alors, je me permets de vous demander. Oui. Brian, si vous pouviez me chercher une paire de madeleines. Avec plaisir, vous voulez des madeleines caramélisées ou des madeleines au beurre salé? Parce que je suis avec un ami qui est justement un spécialiste. De la madeleine, et j'aimerais l'impressionner avec des madeleines au beurre salé. J'irai tout de suite en Bretagne chercher des madeleines au beurre salé pour madame la comtesse. C'est marrant comment t'es assez énervant là, ouais, cette voix. Ouf. Ah ouais, pas comme avant. D'accord, ouais. Quand t'en fais trop, c'est un peu énervant. Ouais. Ah merde, bon bah, désolé. C'est vrai, non? J'ai déjà la salope à un jupé. Non, les gars. Ah non, il est en campagne. Arrêtez. Pas le gêner avec ça. Salut Guillaume, c'est Amandine. Ah, Amandine, tu m'entends, Amandine? Oui. Putain, on avait un bug de standard. Excuse-nous, chérie, c'est bon, j'ai te retrouver. Amandine qui est là, Madeleine qui est là. Vous êtes là toutes les deux, chérie, donc c'est vous qui allez parler maintenant. On va retrouver Christophe qui est à l'hôpital psychiatrique aussi juste après. Mais d'abord, Madeleine et Amandine sont là toutes les deux. Alors, Madeleine, toi, tu t'es pété le nez avec ta sœur en jouant, machin. Et ouais. t'es à l'école 42, alors il paraît que c'est un peu l'école, genre, c'est la Star Academy le truc, quoi. c'est l'école qui est gratuite de Xavier Niels. Oui, c'est une école gratuite, mais c'est tellement dur d'y rentrer. Non, c'est pas la Star Academy. Hein. Déjà, on chante pas. Donc, on chante tellement mal, vaut mieux pas qu'on chante. Donc, non, c'est la meilleure école du monde. Non, mais genre, vous êtes hyper, hyper bons tous. Bah oui, sinon on ferait pas cette école-là. Et de toute façon, en fait. Non, mais en fait. Ah, c'est un peu de la poésie. Ah ouais, t'as fait un peu la belle. Ah ouais, la belle, ouais. Non, mais en fait, c'est y a un mois de sélection et c'est un mois H24 où on vit à l'école, on dort à l'école, on mange à l'école, on se douche à l'école, enfin, on vit là-haut. Et du coup, au bout d'un mois, ben, déjà, si t'as pas craqué mentalement, c'est bien. Parce qu'au début du mois, on est 1000, à la fin du mois, on est 300. Ouais, ah, il y en a un sur trois. Ah ouais, il y en a qui partent. Après. Et pourquoi, c'est quoi les coups de pression qu'ils vous mettent au début pour vous calmer? Ben, en gros, des rushs, donc en fait, de minuit à minuit. On a un exercice toutes les heures. Ah oui, il y a des rushs pendant 24 heures. Ah, c'est nuit blanche. Ah, c'est beau. Bah ouais. T'es d'astreinte en fait. Ou des examens, des examens de 4 heures et enfin, ils mettent, ou alors en plein milieu de la nuit quand on dort, en plein milieu de la nuit, ils mettent des musiques, mais genre des musiques cons, enfin, genre la carte Kiwi, la musique de Mission Impossible. On est d'accord, c'est une télé-réalité le truc. Bah oui. Mais ils filment t'es pas. Enfermé, t'es sans caméra quoi. Il devrait c'est juste pour prendre les meilleurs. Il y a des caméras pour nous surveiller. Caméras, c'est ce que j'allais dire. Attends, c'est abusé. Et vous, mais genre, je comprends pas, vous dormez carrément à l'école? Bah, à part ceux qui ont des appartements, ceux qui prennent des appartements à Louis et tout ça, on dort, enfin, ce qui est mieux. Mais si t'as vraiment pas le choix, bah, genre, si par exemple, j'ai des potes, ils venaient de Nice. Ils n'avaient pas le choix de dormir à l'école, mais enfin, les conditions elles sont parfaites. Je veux dire, ils prennent super soin de nous. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Putain, c'est vachement bien. Ouais, enfin, faut aimer. Ah ouais. Bah non, mais oui, là-bas. Bah, non, mais c'est pour les meilleurs. Faut avoir envie, ouais. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Je pourrais essayer. Ça se trouve, ils me prennent. Il faut se réveiller, il faut faire minuit. Ça va, je peux me réveiller. C'est pas ton délire, toi. Ah ouais. Déjà, faut savoir allumer un ordinateur, donc tu peux. Je sais. J'ai un Mac, j'ai un PC, je connais. La soirée. Ah, c'est quoi sa soirée? Je me fais agresser alors que je suis gentil. Attends, ça doit être vachement sympa à faire. On devrait essayer un week-end. C'est combien d'années l'école 42 là, l'école des génies là? C'est 3 ans. Ouais. D'accord, 3 ans. Et là, t'es la première année? Ouais, là, j'ai été acceptée. Ben là, en fait, j'ai fait le mois de sélection de septembre et je rentre en novembre. Ah, donc t'as le droit de rester? En fait, j'y ai pas encore. Ouais. Là, c'était la présélection en gros. Ouais, mais là, je rentre en novembre. Ouais, et tu sais ce que tu veux faire grâce à cette école ou pas encore? Ouais, je veux monter ma propre start-up. Ah ouais. Dans quel domaine? Une application en fait avec une pote pour aider les gens dyslexiques. En fait, ce serait une application quand les gens dyslexiques feraient leur texte, en fait, cette application-là, elle corrigerait les fautes et elle aiderait les personnes dyslexiques, du coup. Mais c'est un peu le T9, non ? C'est un peu le T9, c'est un peu Siri, non ? C'est un peu Siri, ouais, sur téléphone. Ouais, mais en fait, ça aiderait à l'oral et à l'écrit. D'accord, okay, c'est bien. Ah ouais. C'est un prof, d'accord, quoi. Ouais. Faut pas se faire voler l'idée, quoi. Attends, alors, attention. Faut pas la dire comme ça. Alors, attends, je comprends pas, là. Attends, j'essaye de. Hop, tac, j'appuie sur le bouton. Jean-Marc, attends, je valide que les noms propres. Très bien. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai un truc pour savoir le nom des surfeurs avec Brice de Nice 3. Ah ouais. Et en fait, il y a un site internet qu'ils ont mis en place, c'est tout pourri. Oula, Le site, il est tout ripou. Ouais. Et en fait, on va recevoir d'ailleurs peut-être Big Flo et Oli. Ouais, peut-être, ouais. À l'occasion, c'est eux qui font la musique de Brice de Nice 3. Ouais, ouais. Ouais, parce que Monsieur Dujardin ne se déplace pas. Ouais. Monsieur Dujardin, ah bon Monsieur Dujardin, mais il faut. Après, c'est... Il faut faire une courbette à Monsieur Dujardin. C'est dommage parce que moi j'adore Jean Dujardin. Ah bah oui. Et ça m'aurait fait super plaisir de le rencontrer. Ouais. Et Jean Dujardin ne fait pas de promo pour son propre putain de film. Je trouve ça incroyable. Brice 3 là, il fait rien. Ouais, il fait rien. Il ne fait quasiment rien. Il vient une minute par-ci, une minute par-là. C'est dommage. Bon, hey, Jean, si tu nous entends, bordel. Passe. On te kiffe, hein, Jean. Attends, on est là jusqu'à minuit. Attends, on est jusqu'à minuit, t'as encore 12 minutes. Alors, mon Jeannot, on est là. J'ai la nuit, hey, ça me ferait super plaisir de t'inviter. Ah, donc, ouais. Si vous connaissez Jeannot, vous lui dites. Il faut la bise, moi. Jeannot Lapin qui vient avec nous. Non, mais qu'on rigole un peu plus tard. Attends, il sort un film comme Brice de Nice, il vient pas en parler dans les médias. Sérieux. Bon, et en tout cas, le site, ça permet de faire en gros des rimes comme Brice de Nice. Là, j'ai mis Jean-Marc des Arcs. En fait, vous mettez votre prénom dans le film. Vous mettez votre prénom en gros et ça vous propose une ville. Moi, ça marque Guillaume de Côme, c'est pourri. C'est tout rime. Attends, on va essayer. On va essayer, tiens, avec Julien. Alors, Julien, il y a plein de villes en 1. Julien, on va voir ce que ça donne. Après, on va essayer avec Flo des cadeaux. Julien de Jean Lépin. Ouais. Ils sont pas foulés. C'est Vernis, Jean Lépin. C'est vraiment pourri, quoi. Attends, enfin, c'est vraiment pourri le site, pas Jean Lépin. Alors, Florent, Flo des cadeaux, Florent d'Ouessant. Ouais. Voilà, en Bretagne. Donc c'est bon, la blague elle est finie. <C'est ça. rire> Allez, on va faire Julia quand même pour faire tout le monde. Hein. Ouais. Comment tu t'intitules, voilà, c'est une petite blague sur le site. Julia de Bastia, Julia de Pia, Julia de Plouesca. Ouais. Plouesca. Voilà, super. Ouais, ouais, voilà. C'était mieux. Ça change les villes. C'est le site. En plus c'est sur une grosse danette. Hein, en cas où t'as pas vu le sponsor. Sur le site quoi. Ah putain de merde. Alors Amandine, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? On parlait des jeux à la con, puis après on va faire le jeu des hôtels là. Oui, alors en fait, moi j'étais avec une amie en Haute-Savoie, ouais. Et on a trouvé un tremplin de saut à ski en fait complètement glacé. Et on voulait faire de la luge, donc on a pris le couvercle d'une poubelle, on l'a retourné, ouais. Et on s'est mis en haut, bah, tout en haut du tremplin, et on a sauté. Ah ouais, et alors tu t'es pété un truc ? Non, pas moi, mais mon ami s'est brûlé tout le dos en fait sur la glace. Ah ouais. Bah ouais, c'est un peu. Non, mais en plus, la neige et tout, c'est trop dangereux. Bah le saut à ski, t'as vu comment c'est. Attends, c'est quoi le site de Brice de Nice? Ça s'appelle la crème des surfeurs.fr. Malin, la crème. La crème. Ils ont pensé à tous les mecs de la pub. Ils gagnent pas 50 000 euros par mois pour rien, les mecs. Alors, attends, juste, j'aimerais qu'on parle de cul là, parce que vous êtes nombreux à en parler, à vouloir en parler depuis plusieurs jours. On en a pas reparlé, on en parle juste après cette vidéo. Vous gagnez sur le pack énergie Apple et Lady Gaga. Ah bon ? Avec le tout dernier iPhone, plus l'iPad R2. Dès que vous entendez le double hit énergie avec deux hits de Lady Gaga. À la suite, soyez les premiers à appeler énergie 3937. Et vous gagnez le pack énergie Apple, Lady Gaga avec l'iPhone 7 et l'iPad R2. Pop, R&B, dance. Ici, c'est NRJ. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défi extrême, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle ? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre à 18h15 sur Énergie 12. En ce moment, Julie et Coé ont un peu le trac. Eh, normal, ils passent leur code. Eh oui, le code de la route. Avec La Poste, pour 30 euros seulement, on peut passer son code. Alors faites comme eux, partout en France et près de chez vous, avec La Poste. Pour s'inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur laposte.fr/lecode.

Ouais. Tu te branles devant la glace. Ça, je sais pas, tu te fais aussi te branler devant la glace. Ça. Oui, oui, oui. Mais tout nu, hein. Ouais. Tout habillé, mais pas avec des nuisettes ou pas des ouais, de filles. Ouais, ouais. Mais après, devant la, après, il y en a beaucoup qui se déguisent comme ça, qui s'habillent avec des vêtements de femmes, etc. C'est le travestissement un peu. Mais quand même, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. J'aime le standard. Moi, j'ai jamais essayé. Ouais, si j'avais essayé, même pour un délire, une fois avec ma meuf, j'avais inversé. T'avais essayé un string, toi, Oui, mais c'est pour rire. C'était pas sérieux, mais oui, je l'ai dit, oui. Et voilà, moi, si j'avais fait pareil, même pour la blague, je l'aurais dit, j'ai essayé. Jamais. Un string Non, moi j'ai juste essayé le string avec les bonbons là, tu sais. Le truc, c'était il y a 10 ans. Merci. Julia, Bah non, mais moi j'ai pas essayé de tenue de garçon, mais en tout cas, je sais que quand on utilise des objets, c'est un peu comme un pénis, quoi. Pour quand t'es en couple avec une fille. Ouais, parce que Julia, elle s'aurait pu travestir pour un mec. Hein. Donc c'est pas vraiment du travestissement, mais c'est vrai que ça remplace quand même l'organe masculin, quoi. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé de te toucher devant la glace en te regardant toi? Non, jamais. J'ai regardé, c'est vrai, par curiosité. Bien sûr. Pour voir vraiment en profondeur comment c'était. Mais non, je. T'as déjà essayé de voir, d'écarter un peu tes lèvres pour voir comment c'est dedans. Bah oui, tu fais un zoom ou quoi. Attends, j'aurais regardé aussi. Regardez comment c'est dans ton cul. Même quand t'as une meuf, tu regardes dans ton cul comment c'est. Mais en vrai, bien sûr. C'est un peu rose dans un trou de balle à l'intérieur. T'as déjà vu, j'ai le standard. Le trou de balle. L'intérieur avec une lampe ou quoi. Non. T'as jamais pris ta lampe d'iPhone et t'as regardé dans le cul. Non, mais en vrai, c'est un vrai truc. Mais juste même de manière mais tu le vois sur des vidéos comment dirais-je de manière scientifique non mais vraiment en plus savoir toi ça j'aurais pu le faire ça prendre une sorte de sonde et regarder à l'intérieur quoi. Oh, bah, ça doit être rose de quoi ça doit être rose dedans ouais, je crois que c'est rosé un peu dans certains films on voit un peu c'est rosé melon un peu tout. Salut, j'ai envoyé un message pour une histoire que j'ai eu avec une nana en boîte un accident comme Flo des cadeaux m'a appelé j'ai roulé je me suis arrêté et pas de rappel. Ah, c'est pas normal. Alors attends, c'est qu'on a eu une couille, on va te rappeler, frérot. On se raconte un petit peu nos plaisirs sexuels, pas trop assumés, un peu comme toi, Nico. Hein. Mais toi, tu l'assumes pas, du coup, tu le dis aux meufs que t'aimes bien ou pas? Non. Ce qu'il y a, c'est que, bon, en fait, si tu veux, ça, si vous voulez, ça reste mon plaisir à moi. Après, j'ai un peu honte, en fait, de le dire à une fille. Ouais. C'est pas commun. C'est moi, ça arrivait comme ça, par hasard. Et comment dire, j'ai voulu essayer. Et après, c'est devenu, comment dire, une habitude. Ouais, de te branler en fait en te regardant toi dans la glace avec des strings. C'est les strings de ta maman, de ta sœur, de où tu trouves mais c'est une vraie question. Oula. Non, mais c'est une vraie question. Bah, où tu peux les acheter ou c'est les ex? Non. Bah là, comment dire, la première fois que j'ai essayé, si tu veux, c'était à ma copine. Ouais. Et comment dire, vu que moi je suis un peu plus grand qu'elle, du coup, ça m'allait pas. Et du coup, après, j'ai commencé à commander sur internet, j'ai pris au niveau des tailles et c'est là que du coup j'ai découvert mon univers on va dire. Ouais, et t'as commencé parce que ça te serrait trop le cul et les boules, j'imagine, un string trop petit. Ça déborde un peu devant quand même. C'est pas beau, franchement. Débordé. Alors déjà que ça déborde de derrière, alors là, du coup, ça pas être là, ça, putain, ça déborde de ça dégoûte. Ah ouais, là. Tu te mets à l'aise. Ouais. Ah bah oui. Et ça t'exciterait pas, juste genre d'essayer, genre Non. Mais non, si je le fais, je rigole. Et de te regarder, non, sérieusement, je pourrais jamais, je te jure. Ouais. Mais après, c'est du délire où tu peux comprendre, tu vois, qu'il y a de l'excitation pour. En effet, il y a des meufs qui demandent à leur mec de faire ça. Plus que de manger du caca ou des trucs vraiment hardcore. Oui. Flo, les cadeaux, t'as jamais mis des soutiens-gorge? Ouais, moi, en fait, c'était pour mes 20 ans, je m'étais déguisé en pute, en gros. Et donc, j'avais pris des trucs à ma mère, donc j'avais pris des culottes, des bas, un ensemble avec un soutien-gorge et tout. Ouais. Et alors? Bah, franchement, c'est marrant 5 minutes, mais au bout de 2-3 heures, c'est casse-couille. Hein. Ouais, c'est à ta mère quand même. Et t'as jamais couché avec une meuf habillée en fille? Non, jamais. Ouais. C'est comme le principe de se regarder en train de se branler, je comprends pas trop en fait. Ah bah si! Ouais. Mais tu sais qu'il y a des filles qui sont excitées par le fait que le mec se travestisse, quoi. Ah ouais? C'est très rare. Avec une perruque. Moi, ça m'est arrivé une fois. Du rouge à lèvres. Tu veux pas essayer des trucs et tout? J'ai fait casse-toi. Faire un blush. Après, t'as un plan cul un peu chaud de boîte. Ouais. Non. C'est un peu. Tu sais, la meuf un peu bizarre. Tu peux explorer des trucs. Mais tu peux explorer des trucs, mais j'ai pas exploré rien. Non, mais ça aurait été un truc qui m'avait branché un tout petit peu. Mais franchement, ça m'avait pas du tout branché, quoi. Ah, mais c'est pas possible. Après, tu peux te déguiser pour des jeux de rôle et tout, mais se travestir dans l'autre sexe, je sais pas. Tu perds ton truc quand même. Julia, ça te choquerait si tu sortais avec toi qui es bi, mais bon. Tu sortis. Si jamais tu sors un jour avec un mec qui te dit voilà j'aime bien me travestir et voilà, ça te choquerait de sortir avec un mec en string ficelle? Non, ça me choquerait pas, mais après c'est vrai que c'est un délire particulier. Je sais pas si ça me plairait, faudrait peut-être essayer pour voir si ça me plaît. Mais bon, non, ça me choquerait pas. Ouais. Le mec, franchement, non, mais après, il perd en virilité, excuse-moi. Non, non, après, il y a des mecs qui perdent en virilité, mais il y a des filles qui aiment bien. Il y a des mecs qui mettent des strings. Il y a des filles qui aiment bien les filles aussi. Pour se soumettre un peu peut-être à la fille. Ouais, t'as un petit côté un peu. Toi, tu dois peut-être aimer un peu les jeux de soumission et tout, non, les jeux de fessée et tout, quoi. Ah, mais donc tu la pénètres pas, la fille. Bah, si. Et tu la pénètres, donc t'es actif. Bah, c'est pas dans F, c'est les deux. C'est dominant quand même quand tu la pénètres. Mais non, mais tu peux. Pour moi, c'est comme ça. Les petits jeux de. C'est des petits jeux de domination mignon, quoi. Voilà. Et tu mets un string et te fais marcher à quatre pattes, voilà. Tu mets du vernis, genre, et c'est parti. Bah, bien sûr, il y en a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui jouent comme ça. T'as un mec qui met des barésies, du vernis. J'aime ça, tu te vois bien avec des barésies, du vernis. Jamais de la vie. Mais je le dirais. Pourquoi pas? Non, mais attends. Moi, je paye pour être là. Là, tu ferais ça me dirait. Même si c'est Jessica Alba qui te le dit. La vraie, Tu rencontres en soirée, et dis, ah, moi je le fais. Bah oui. Ah, il y a négociation. Pour Jessica Alba, je le fais. Oui. On la rencontrera jamais, Guillaume. Mais oui, mais c'est pour ça que je fais. Mon beau-père de 52 ans a piqué mes strings et nuisette. C'est le kéké du 86. Salut. C'est bizarre ça. Ouais. Hein. Je sais pas quel âge tu as d'ailleurs, mais bon. Peut-être qu'il aime ça après. Bon. T'es un peu chelou. T'as quel âge, kéké? Est-ce que ça vous est déjà arrivé pareil, une histoire un peu comme Kiki là, les petits plaisirs. On va en parler demain des plaisirs sexuels pas assumés. Ouais. Mais t'as déjà un truc que t'as pas trop assumé, je veux dire. Bah avec une fille ou tout seul. Ah bah les deux. Bah tout seul, ouais, il y a des choses que je fais, je me dis que c'est ridicule, c'est pas bien, tu vois. Ouais. Je me crache sur les tétons par exemple. Ouais, t'avais dit ça. Je me crache sur le sexe et je me tourne les tétons avec les mains quoi. Ouais. Pour que ça pointe dur. Et alors? Et j'attends que ça bande le téton et puis j'aime bien, ça m'excite. Tout seul. Hein. Ça bande. Ouais. Ouais ouais, mais c'est pas très. Mais ça tu l'avais déjà dit, mais. Ça pointe. Mais non, malheureusement. Entre temps. Ça me choque moins maintenant. Ah ouais, j'en ai déjà parlé peut-être. Ah voilà, attends, Flo, les cadeaux, un plaisir sexuel que t'as du mal à assumer. Non, franchement, j'ai pas de truc à ce niveau-là. Non, c'est vrai? Je sais pas, non, je suis assez classique quand je me branle. Ah ouais? Y a rien de spécial. Ouais. T'es sur missionnaire, quoi. Ouais, ouais. Ça t'arrive de regarder des vidéos porno classiques? Moi, ça ne m'est jamais, je vous jure que c'est vrai. Non, un truc chiant. Genre papa dans maman en missionnaire, non, ou non. Un peu classique, je n'ai jamais regardé. Moi, je vais que sur les catégories que personne ne regarde, sinon ça m'intéresse pas. Mais les trucs un peu classiques, c'est plutôt pour les filles en fait. Ouais, c'est ça peut-être. Ouais, ouais, bah, ouais. C'est chiant. Pas choqué, ouais. Ouais. Je sais pas, je suis un peu. Ah, mais le porno, c'est fait pour ça aussi. Faut des cadeaux. Je sais que j'arrive mieux à éjaculer quand je suis à genoux, par contre. Quand t'es à genoux, ouais. C'est-à-dire. Bah, j'ai plus de plaisir. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Mais comment, dans quelle position? Bah à genoux en fait, comme si tu priais quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est glauque ça, par contre, mec. Il va mal finir, lui. Alerte ça, peut-être. Non, mais à quatre pattes ou à genoux? Non, à quatre, à genoux, je veux dire. Ouais. Mais tout seul, genre. Bah ouais, mais j'arrive mieux à éjaculer. Vous avez jamais brûlé à quatre pattes, Jim Sanda? Franchement, non. Arrête! Pas à quatre pattes. Non, mais à quatre pattes, jamais brûlé à quatre pattes. Si, ou à quatre pattes sur le tapis, tout nu. Pour pouvoir les mettre, il est très efféminé, ton beau-père. Salut Kéké du 8-6. Ça me dit pas ton âge. Ah si, j'ai 17 ans. Mais ce qu'il aimait bien, la matière. Salut à toi. Je viens stagiaire. Doit être mignon à poil, on penserait à un saucisson rose. Un saucisson rose. Tu le mets à quatre pattes et tu le manges sur le tapis, ouais. Comme s'il y avait une fille en dessous. Éjaculer sur le tapis chez toi, genre saucer. Moi j'ai déjà fait ça. Saucer le sol, ouais. Le tapis. Non, mais si, bien sûr, quand j'avais 15 balais. Et comme si j'étais en fait en train de. Il y avait une fille. Enfin, oui, c'est pour ça, c'est bien ça. Bah, oui. Pas d'un mouchoir, et après, quoi. T'essuies, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Le tapis, non. Et après, sur la moquette et tout. Non. Non, sur, non, non, sur la moquette verte de mon appartement. Ah, ouais, c'est un niveau dessus, quand même. Là. Ah, ouais. T'as les délires de cul à la branlette avec les pieds. Oh, ça, c'est la base. Hein. Une meuf avec des pieds au top, c'est le kiff. Moi, je me masturbe avec mon demi-frère. Non. Et pourtant, je suis hétéro, j'aurais vraiment parlé. Salut, Alexandre. Salut, demi-frère. On va t'appeler si tu veux. On se raconte un petit peu les histoires. J'ai déjà, t'auras un frère, tu te branleras avec. Non, mais arrête, d'où la question. Plaisir sexuel. Bah non, non, c'est tendu. Bah non, même pas qu'un garçon. Enfin, pourquoi pas, enfin chacun. Demi-frères sont frérots, quoi. Pas, hein, chacun ouais, parle. Tu peux, hein. Bah oui, il y en a qui le font. Alors, et donc, toi, les petits plaisirs sexuels, c'est-à-dire, ça serait le fait de. Ou alors les pornos un peu bizarres, genre les mecs de 80 ans, avec des meufs de 18 ans. C'est all teen, et je me dis que le mec, il a de la chance parce que la fille, elle est belle. Ok, elle est très belle. Tu regardes pas ça quand même. Non, mais quand je regarde ça, je me dis là, il y a la morale, je suis allé un peu loin. Et véridique, hein. Parce que le mec, il a du beat de ouf, il est poilu. Et la meuf elle est belle, elle est. Mais c'est excitant parce que la fille est belle. On finira là. J'ai joué à Colama hier. C'est quoi Colama déjà? Mais j'ai bandé. Et une copine à elle, avec ma copine et sa copine, me taille une pipe. Je croyais que c'était ma copine qui me faisait ça. Elles ont échangé. Là, j'avais les yeux bandés, on s'est fait griller. Et moi, je savais pas que c'était l'autre. Salut Elvis. Salut. Vous êtes des oufs, les pires, c'est le stagiaire sans fil. Le stagiaire sans fil. Le stagiaire se vend devant les. Salut Nico du 40 là. On m'a toujours pas appelé pour FIFA, c'est le conducteur de bus. C'est normal, on a pas fini. Ouais. Dès qu'on a fini, Flo des cadeaux, première chose qu'il fait, il appelle en direct de Suisse. Nyon. Ouais. À Nyon, dédicace à toi d'ailleurs. C'est Zoer qui était là exactement. Bon, Nico, tu veux en tout cas, t'inquiète pas, il y en a plein qui disent que c'est pareil. Est-ce que je peux te rappeler demain pour qu'on ait le temps un petit peu de discuter là? Ouais, si tu veux, y a pas de souci. Hein. Et comme ça, demain, milieu d'émission, on sera à la cool, on pourra en parler. Il est minuit 6, on va laisser la parole à la suite. En tout cas, gros bisous à toute l'équipe. Bonne nuit à vous chez vous. Les amours, merci d'avoir été si nombreux encore ce soir. On se retrouve demain à partir de 22h jusqu'à minuit. James, il a son alarme qui sonne. On a un truc à faire un peu pour ça. On doit faire quoi? Des petites voix. Ah, pour les jingles. Voilà, c'est ça. Merci. Pour pas oublier. Mais lui à 10, peut-être la prochaine fois. Allez, bonne nuit tout le monde. Mais 22h. Minuit, Guillaume Radio 2.0. C'est pas sa période là, James. Il enchaîne que les gars. Allez, bonne nuit, James. Bonne nuit, Guillaume. Allez, va dormir. Bonne nuit, James Stagiaire. Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit, Julia. Salut, Guillaume. Bonne nuit, Flo. Des cadeaux. Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit, tout le monde. Est-ce qu'ils nous entendent, Mickaël, en studio d'à côté? Oui, oui, ici la suite. Comment ça va mieux? Salut. Oh, ça va mieux là. C'est bon, j'étais en sèche. Ah. Voilà. Attends, t'avais vraiment une gastro? Ah oui, bah attends, je suis pas parti en vacances. Ouais. T'as maigri. Ouais, j'avais vraiment. Ouais, mais 3 kilos tranquille, hein, juste avant de partir. C'est vrai. 3 kilos, ça perd quoi. Oh putain. C'est mieux que du camp, ça. Ça tombe à pic juste avant les vacances, quoi. Nickel. Mais c'est violent, hein, une vraie gastro. Ouais. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais jamais eu ça. Donc on m'a toujours dit ouais, tu vas voir la gastro. Tu te chies dessus un peu quand même, non? Non, quand même. Merci. Pas. J'ai parce que moi, chardé, ça m'est arrivé. Ah non, je me suis pas chié dessus, non. Ah, chardé, ouais, mais chier, non. Et on attrape ça comment, la gastro, d'ailleurs? Bah, c'est un virus par les gens. C'est viral, c'est viral. C'est ça, ouais. Ça rage demain, tout ça. Ouais. Et ça dure une semaine, non? Non, deux jours. Deux jours. Trois jours. Ouais, bah, deux jours. Hein. Ouais. Ça a démarré lundi, là. Elle a dit j'étais KO, mais non, c'est bon. Et c'est quoi? C'était vomi sur vomi, quoi. Ça fait hyper mal, en plus. Non, pas forcément, mais beaucoup. Et puis, ouais, chier. Et puis, vraiment, ça fatigue. Ouais, ça fait. Exactement. Le fait de vomir, d'appuyer comme ça, c'est. Bah, bon courage à vous si vous êtes malade chez vous. Et puis, bon rétablissement à toi, du coup. Hein, et puis, Bah, écoute, merci. C'est quoi bon, c'est une émission en demi-forme, ça rendait c'est pas facile d'en parler. Ça va, bon, okay. Là, on est au taquet. Là. Vas-y, kiffe et bien, bisous à l'équipe. Et puis, à demain, 22h. À demain. Salut, les gars. Ciao. Le futur n'est pas loin. Il arrive. Proche. Très proche. Les étoiles, te font rêver. Alors, allons-y. Bientôt, on voyagera dans l'espace. On prendra une fusée comme on prend le métro. On vivra sur Mars. Des vacances sur Neptune. La Lune sera notre nouveau terrain de jeu. On voyagera à la vitesse de la lumière. De plus en plus proche du Soleil. N'oublie pas ta crème solaire. Vénus, Pluton, choisis ta planète. On fera du surf sur de la poussière d'étoiles. Des sensations fortes au milieu des astéroïdes. On n'aura plus de limites. L'espace intersidéral. Plus d'apesanteur. Tu pourras t'amuser à sauter de satellite en satellite. Accroche-toi. T'es prêt? En route vers l'espace et au-delà. Mickaël sur Énergie. Du lundi au jeudi de minuit à 4h. Et le dimanche de 20h à minuit. Exactement. Je sais pas pourquoi, mais il y a la légende qui fait les jingles qui a demandé à Apollo, c'est lui qui a créé les jingles, s'il avait fumé un truc. Quand il a fait celui-là. Particulier quand même. Oh putain, ça y est. Oh. Le retour. Eh oui, exactement. D'ailleurs, dans la gueule de Toff. Moi, j'accumule mon poutou sur un cul. Merci. Ah, merci. Non, parce qu'il y a un moment, c'est bon. Là, c'était quoi ta chanson pourrie là qui veut taper dans les oreilles là? C'est la gastro. Bon, en tout cas, je suis de retour. Putain, je suis content. Ouais. Non, mais parce que au début, tu te dis ouais, c'est cool, t'es à la maison. Mais tu fais chier en fait, hein, y a rien à faire. Bah oui. Non, mais t'es là, en plus, tu peux pas dire tiens, je vais aller là pour bouffer un truc. Bah non, tu peux rien manger. Et donc, ouais. Bon, tu j'ai peux toujours pas une. Sortir, donc, bah, t'as non, c'est clair. Donc, j'ai bouffé du riz ce midi, j'ai bouffé du riz hier soir, j'ai bouffé du riz avant-hier. Donc. Ça va, je suis content d'aller à Los Angeles la semaine prochaine, on va pouvoir bien manger, bien gras. Ça va être cool. Bon. Et d'ailleurs, Toff s'est engagé à payer le premier barbecue. Ah full viande, full maïs. Ah bah ça fait plaisir. Ma carte, elle passe pas. T'inquiète pas, je t'avance. Comme c'est moi qui te paye, je déduirai. T'inquiète, y a pas de de problème. Il y a aucun souci. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé deux soirées à la cool avec l'équipe sans moi, du coup. Hein. Ouais. Merci à Polo qui a essayé de prendre ma place. C'était Mickaël sur Énergie sans Mickaël. Voilà, c'est ça. C'était Polo sur Énergie. Non, mais dis pas ça, les gens vont dire, espèce d'enculé. Je suppute qu'il ait lancé le virus exprès parce que il faut savoir que la semaine dernière, ils avaient tous un masque. Je me dis, mais pourquoi ils ont ça? Tu sais, comme les Chinois. Je dis, pourquoi ils ont ça? Et comme par hasard, j'étais le seul à être malade avec la gastro. Donc j'ai supputé qu'il y a eu un coup d'état. Poison dans le café. Voilà, c'est ça. Mais je suis plus solide que ça. Bon, bravo. Salut Caro également sur le Twitter de l'émission. Bonsoir à toute l'équipe. Je suis ravi que tu ailles mieux, Mickaël. Bah, allez, pas autant que moi. Hein. Benko, surtout que hier matin, je me lève, je me dis. En fait non, avant-hier, donc le premier soir où j'étais vraiment malade, je me dis franchement ça va quoi. Tu sais, je me suis dit à un moment, putain, je pourrais quand même aller bosser. Et puis je me dis bon, si le médecin m'a dit de me reposer, puis ils m'ont dit ouais, ça ira peut-être un peu mieux, mais il faut se reposer sinon ça va durer plus longtemps. Et puis le matin, je dis ouais, c'est bon, le soir je reviens, pas de problème. Putain, 14h, hein, c'était la catastrophe. Et puis bon, ça va là, maintenant c'est bon. Il y a Benko qui dit aussi ouais, bonsoir à l'équipe de la Nike, monsieur Gastro est revenu. Ouais, je suis là, ouais. Eh, attends, m'appelez pas monsieur Gastro, c'est la première fois que ça m'arrive. Coup de pelle à Toff que j'emmerde. Avec plaisir. Et Snorf aussi qui dit Mickaël de retour pour une énorme nuit blanche. Salut à toi. Et la F1 à 3h. Eh bah, très bien. Il y a Eric Delisle aussi. Mika fait un régime sur son Twitter. Moins environ 5000 abonnements depuis hier. Ouais, et techniquement, c'est même bien suivi. Il y en a plus de 50 000 qui sont partis. Non, en fait, je vous explique, pour ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai fait le ménage sur Instagram et sur Twitter. C'est très simple. C'est-à-dire que je suivais tellement de monde qu'à un moment, si tu veux, j'arrivais plus à rien suivre. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais des trucs qui passaient, je savais même pas qui tweetait, je connaissais personne, parce que c'est vrai. Donc au final, si vous voulez, il y a un moment, ça servait plus à rien. Voilà, je followais, ça servait à rien. Donc du coup, j'ai fait le ménage, j'ai gardé que ceux que je connais, que ceux que j'aime bien, que. La base. Ouais, mais pas spécialement la base. Il y a des auditeurs dedans aussi, hein, ceux à qui j'écris souvent ou qui m'écrivent souvent, tout ça. C'est juste qu'il y a un moment, je peux pas suivre tout le monde parce que, autant être franc, je m'en branle. Non mais tu vois, non mais c'est vrai. Non mais c'est pas la peine d'être faux cul en disant je m'intéresse à tout ce que vous faites. Oui, si vous venez m'en parler, évidemment que je vais m'intéresser. Mais je peux pas m'intéresser à chaque personne qui écoute l'émission, c'est pas possible. Plus ceux qui n'écoutent pas. Donc il y a un moment, j'ai dû faire ménage, sinon j'allais fermer Twitter et Instagram et ça servait plus à rien. Donc voilà. Après, c'est pas parce que je vous étais que d'office je vous refollowerai jamais. Hein. J'ai failli virer Toff aussi à un moment d'ailleurs. J'ai bien vu que ça t'intéressait pas ce que je mettais de toute façon sur Twitter. Ça a failli, hein, je vous annonce, ça a failli. Pour 50 euros, je peux négocier avec Mickaël pour qu'il vous réaccepte. Je dis ça, c'est rien. Non, mais ça ne se revend pas. Bon, les follow. Ça ne se revend pas. C'est comme ceux qui achetaient les likes avant sur Facebook, Twitter et tout ça. Il y a Solène. Il y a des mecs qui font ça. Il y en a qui le font, ouais. Salut Solène. Salut. Comment, oula, dis donc, t'as mangé de. Merde, Mickaël, t'as un follow aussi. Ouais, t'as mangé de la vitamine, toi. Non, ça va? Non, c'est bon, ça va. Ah, d'accord, ok. Bon, Solène t'appelle de Saint-Brieuc, t'as 25 ans, t'as passé une bonne journée, pas de gastro, rien, tout va bien? Non, ça va. Bon, très bien. Et je tiens, excuse-moi Solène, mais avant de nous expliquer de quoi tu vas parler, je tiens à saluer évidemment Toff, Amina, tout ça, Polo, que je n'ai pas salué. Et quand même Seba qui n'est pas venu bosser hein, pendant les deux jours. La bonne blague. Voilà, parce que du coup, comme moi j'étais malade, il s'est dit, pas la peine que je vienne. Bah évidemment. C'est, hein, c'est pas la peine. Pas besoin. Voilà, c'est ça, tranquille, à la cool quoi. Voilà. Je suis passé dans le polo show hier par contre. Ah ouais, c'est génial. Heureusement que t'as fait ça. Hein. J'ai fait deux interventions. Ah ouais, ouais, dis donc. Bon, et deux interventions de choix. Ouais. Bon, si vous voulez passer en direct, faites le 01 40 71 5000. N'hésitez pas, vous m'appelez, vous passez. 02 703 0071, c'est si vous êtes en Belgique. Et puis Facebook, Twitter, Instagram, c'est Mickaël officiel. Et les SMS, Mickaël et votre message au 612. Voilà, tout est dit. On va parler de quoi avec toi, Solène de Saint-Brieuc, dans quelques minutes? De partie de jambes en l'air qui, on va dire, c'est un peu mal passé. D'accord, ok. Mais si grave que ça, Solène, là, vu comment t'en parles, on a l'impression que t'as perdu tes deux jambes. Ça m'a choqué, on va dire. Ça t'a choqué. Bon, écoute. J'ai envie d'écouter ça. Bon, Solène, bouge pas, on va en parler. On écoutera aussi le son de Shakira avec la bicicletta. Il y aura Shawn Mendes. Il y aura Federer également. Et je vous mettrai Lady Gaga. Attention, peut-être le double hit de Lady Gaga. Si vous entendez double Lady Gaga, iPhone 7 à gagner, iPad Air 2. Faudra envoyer Mickaël, espace double et votre numéro de téléphone au 612. Mais on n'y est pas encore, évidemment. On va d'abord se faire le son de Chainsmokers maintenant sur Énergie. Chainsmokers tout de suite, minuit 15. On est là, tranquille, canular ce soir, appel mal intentionné, tout ça avant 4h du matin. Normalement, on devrait se marrer. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.